met de bonne humeur ce morceau, tiens. Très bon choix. Tu t'auto-congratules. Non, bah, c'est pas moi qui choisis mes disques. Hein. Sinon, on aurait dit. Ah, si, parfois, oui, il y en a quand même un que tu as tendance à mettre à peu près tous les matins. C'est pas vrai, ça fait cette semaine, ouais, je crois que je l'ai même pas mis. Pourquoi est-ce que je t'ai rappelé ça? Je fais un travail sur moi-même. Ah, oh, c'est bien ça. Mais oui, je sais, je vais moi-même voir un psychologue tous les jours. Oh. Afin de sortir de ce problème. C'est bien, Mickaël, oui, je suis là pour t'aider aussi. Mais oui, je sais. 6h24 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, tout le monde. Voilà tout simplement le warm-up qui se termine. Et puis, nous, on va démarrer la dernière émission de la semaine en direct avec du lourd aujourd'hui, du très très lourd, puisque nous sélectionnerons quelqu'un là, hein. Nous allons sélectionner quelqu'un pour repartir, pour repartir direction Ibiza, puisque toute cette semaine vous avez pu vous inscrire pour repartir avec l'album Nothing But David de David Guetta. C'est bon, je me suis sélectionné, c'est bon. Ouais, c'est ça, non mais je crois pas, non, que tu t'es sélectionné justement. Donc pas mal de choses aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être le tirage au sort, donc attention les gars, ça va être bon. Ça va être très bon. Ça va être très très bon. Mais avant ça, il y a aussi bien sûr la possibilité de vous inscrire pour encore gagner l'album de David Guetta, le téléphone, le smartphone Xperia de Sony Ericsson, etc., etc. Donc voilà. Donc 6322, débutez votre message tout simplement par star si vous voulez qu'on vous appelle pour vous faire gagner tout ça, hein. Aussi simple que ça. Voilà, bonne chance tout le monde. On va vous payer vos factures. Je vous expliquerai tout à l'heure comment faire. Cela va de soi. Nous aurons bien entendu la ligne anti-relou. Ça, ce sera tout à l'heure, hein. 7h15, 8h15 et 9h15. Julie va bien en fait? Je vais très très bien. Tant mieux. Toi aussi? Non. Toi, il a passé une bonne soirée. Il a été voir Pamela Anderson hier à Liège. Non, j'étais apparemment pas Pamela Anderson. J'étais voir Pamela Robertson peut-être, mais Pamela Anderson, je ne crois pas. D'accord. Je pense que j'étais trompé sur la marchandise. Donc tu penses que tu étais trompé, d'accord. Okay. Je pense que j'ai été trompé, qu'on m'a menti. Ouais, on m'a vendu Pamela Anderson. Ouh là là. Mais c'est possible, effectivement, peut-être que c'était pas elle, hein. Bah, visiblement ça ne l'était pas d'ailleurs. Bah, en tout cas, les gens qui étaient avec moi dans cette nouvelle discothèque, puisque c'est une réouverture, étaient plutôt d'accord avec moi, et voilà, on a tous eu beaucoup de doutes sur le fait que c'était vraiment Pamela Anderson. Non, on verra, de toute façon, hein, on aura. Moi, ça m'étonnait déjà beaucoup qu'elle s'est appelée Liège quand même, Pamela Anderson. Oh, tu après, s'il est payé. Je pense qu'elle a quand même un peu autre chose à faire dans sa vie. Quoi. Ouais, mais bon, s'il est bien payé, après elle peut faire le voyage. On verra. On se renseignera. Si vous-même vous étiez à cette boîte hier à Liège, donnez-nous vos avis, n'hésitez pas, 3044. Voilà, et donc je voulais souhaiter un bon rétablissement à Mickaël, voilà, qui travaille sur une autre radio. D'accord. Il a failli se faire casser la gueule sur le parking de la boîte. D'accord, ok. Un autre Mickaël, pas moi. Donc non, pas toi, même, pas toi. Non, ça va. Je ne dirais pas où il travaille. Non, mais voilà, ça sert à rien, effectivement. Voilà, 6h27 sur Fun Radio. Je suis compatible pour lui. On essaiera. Souvenez-vous, hier, on avait avec Toff essayé d'appeler des Flamands pour voir si éventuellement ils pouvaient l'aider. Tout simplement pour parce qu'il avait perdu ses clés par rapport à BHV, voir s'ils étaient contents. Enfin bref. Et donc, comme Julie me l'avait proposé à la fin de l'émission, ce matin, on va appeler les francophones et tu vas parler flamand. Voilà, pour voir si effectivement. Effectivement, ils vont pouvoir répondre en flamand ou pas. Alors hier, tous les flamands qu'on a appelés ont réussi à parler français plus ou moins bien, mais en tout cas ils l'ont fait et on a réussi à les comprendre, c'est le principal. Est-ce qu'aujourd'hui les wallons vont parler néerlandais de manière à ce qu'on puisse les comprendre? Alors là, par contre, Gagné. Ouais, ça c'est pas gagné. Et puis la petite devinette qui colle, parce que ce matin je vous rappelle qu'il y a toujours les écrans plats à gagner, les LED avec le lecteur DVD incorporé, ou alors les deux places pour aller au parc Astérix quand vous le souhaitez. Je suis un virage qui ne mène nulle part. Qui suis-je ou que suis-je? Bon, ça va, c'est facile, hein. Alors, je pense. Je suis un virage qui ne mène nulle part. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Vous débutez votre message par la réponse, en fait, tout simplement. Et on vous appelle d'ici maximum une demi-heure pour vous prendre à l'antenne et vous offrir peut-être cet écran plat LED avec lecteur DVD intégré, ou alors vos deux places pour le parc Astérix. Je suis un virage qui ne mène nulle part. Ça tourne non-stop. Voilà. 63-22, 1 euro par message. Bonne chance, tout le monde. Et restez là dans un instant. Et après l'info, ce sera Kate de Luna avec Fatman Scoop, Drop It Low. Allez, bougez pas, ça va arriver juste après ça sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël, à la radio. Et à 6h28 sur Fun Radio, on passe aux infos maintenant avec Julie. Salut à tous, le FDF n'est pas content du tout avec l'accord conclu par les négociateurs sur BHV. La NVA non plus, mais si la NVA ne fait pas clairement partie des négociations, le FDF un petit peu quand même, puisque le parti d'Olivier Minguin est lié au MR. Le divorce entre le MR et le FDF n'est donc plus très loin. Et Didier Bellens, le patron de Belgacom, sauf sa peau, il a finalement décidé de ne pas réintégrer son assistante Conchita Fagard. Il suit donc la l'avis du conseil d'administration. Michel Martin peut être bientôt dans un couvent néerlandais, selon la télé néerlandaise. Un couvent à Thorn serait prêt à accueillir l'ex-femme de Marc Dutroux. Michel Martin avait déjà proposé de rejoindre un monastère en France en mai dernier, ce qui avait été catégoriquement refusé par le ministre de la Justice française. Madame Martin a donc déposé à la fin du mois d'août une nouvelle demande de libération conditionnelle au tribunal d'application des peines de Mons. Réponse le 22 septembre. Aux assises du Hainaut dans le procès des empoisonneuses des collines, Jacqueline Dert, la mère, écope de 25 ans de prison. Elle est donc inculpée du meurtre. Sa fille prend 17 ans et la compagne de sa fille 12 ans. Seule la mère est inculpée du meurtre du couple de septuagénaires. La plus vieille disparition en Belgique a été élucidée. Les analyses ADN ont permis d'identifier les restes humains découverts fin juin dans l'épave d'une voiture repêchée dans le canal Gand-Ostende. Il s'agit des restes d'une femme disparue il y a 30 ans, la plus vieille histoire de disparition du royaume. Les circonstances du décès restent encore inconnues. Le jeune disparu de Turnhout a été retrouvé aux Pays-Bas. Anouar Arab, âgé de 13 ans, avait quitté lundi le domicile de son père à Turnhout à l'issue d'une dispute. Il voulait rejoindre sa mère aux Pays-Bas, mais il n'était finalement jamais arrivé jusque-là. Il a été retrouvé sain et sauf. Selon le quotidien français, le point DSK sera l'invité de Claire Chazal dimanche aux 20h. C'est un moment très attendu puisque Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le 14 mai dernier, date à laquelle il était arrêté à New York, accusé de violence sexuelle par Nafissa Toudiallo. Enfin, en sport, en Europa League, bonne performance pour les clubs belges. Match nul pour le Standard à Hanovre. Anderlecht a atomisé le club d'Athènes 4-1 et Bruges a battu 2-0 Maribor. 6h31 sur Fun Radio, bienvenue si vous vous réveillez. On va passer à la météo maintenant. Alors, bonne, mauvaise nouvelle, alors, comment ça va se passer? On avait annoncé hier plutôt une bonne nouvelle, mais j'ai entendu ce matin que ça variait déjà un petit peu plus. C'est-à-dire que ce matin, on va être sous le soleil. Les nuages vont arriver cet après-midi et puis la pluie déjà ce soir. Température jusqu'à 21 degrés. Bah voilà, ce week-end, c'est un peu pareil quoi. Hein. Beau le matin et puis plus l'après-midi. Ah bah génial. Bon, tu me dis, t'es en train de me dire que samedi, je dois aller faire du vélo le matin quoi. Voilà. D'accord, ok, très bien. Mais j'irai avec Vince, avec Toff aussi. Oui, bien sûr. Absolument pas. C'est vraiment dommage. Prends mon lit. Au moins, Toff, il est honnête, tu vois. C'est vraiment bien. Mais attends, mais moi, je le fais, je l'ai fait les 34 km la semaine dernière. Hein, 33 ouais. là. Mais t'as déjà revendu ton vélo, enfin, je te rappelle. Non, mais j'en ai un autre à prêter, c'est pour ça que je l'ai vendu. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, t'inquiète pas. Fun Radio. Bon, allez, l'info en plus maintenant. Ah, au lieu de dire des conneries là. Hein. J'ai trouvé un petit truc assez rigolo. Donc, hier, je vous avais parlé d'une application. Elle a l'air fière. Est contente. Bah, non, mais attends, j'essaie de trouver des infos un peu sympas quoi. Mais écoute, j'essaye. J'essaye, alors. Hier, je vous avais parlé d'une petite application pour les smartphones pour garer sa voiture. Aujourd'hui, j'ai trouvé une application pour aller faire pipi chez les inconnus. Non, mais c'est une vanne. Mais non, c'est vrai. Et ça sert à quoi? Bah alors, c'est-à-dire que si tu es en pleine ville. Compris, mais... Tu es en pleine ville et tu dois absolument aller à la toilette, et bien maintenant cette application peut t'aider. Tu peux trouver un lieu propre pour te soulager, tu n'as plus besoin d'aller te cacher derrière une voiture pour les filles ou alors d'aller faire pipi contre un arbre pour les garçons. L'application qui s'appelle Clo, c'est une combinaison du mot communauté et closet qui signifie forcément toilette en anglais. Et bien, vous permettra de vous indiquer quel citoyen sympathique veut bien vous accueillir pour que vous puissiez utiliser ces toilettes. Donc ça veut dire que le mec qui est chez lui à la maison en fait doit s'inscrire sur l'application en disant je suis open bar. Ouais forcément. Oui. On peut pas rentrer chez les gens comme ça. Je me doute, des idées à Toff qui va appeler les gens pour. Ah bah oui, c'est clair. Non, et après moi j'étais dans le t'as le guide rouge pour les restaurants où c'est des étoiles et moi je décernerai des rouleaux de PQ d'or. Ah. Ou des crottes. Quelle belle idée. Ouais c'est vrai. Ouais c'est pas mal. La crotte d'or. Ouais c'est ça, la crotte d'or, ça peut être une idée, ouais. Bon, 6h33 sur Fun Radio, nous allons revenir dans un instant, je vais vous rappeler aussi la petite devinette qui colle pour repartir avec l'écran plat LED avec le lecteur DVD incorporé ou encore deux places pour aller tout simplement au parc Astérix. Je suis un virage qui ne mène nulle part. Qui suis-je ou que suis-je? Proposer un rond-point. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Bah, ça mène quelque part. Si... Oui, voilà, c'est ça, il y a des sorties. Donc effectivement, là, c'est ça tourne et il se passe rien, tout simplement. Et message qui est arrivé qui dit: putain, c'est que des rediffs, c'est du grand foutage de gueule. Non, c'est le concept. De 6h à 6h20, c'est le warm-up. C'est les meilleurs moments du jour avant. Voilà, tout simplement. Ne nous emballons pas. Oui, c'est ça, reste calme, tout va bien. Ça veut dire que le mec se tape quand même toute l'émission de la veille pour écouter le warm-up. C'est vrai, parce qu'il y a en général, les gens, ils écoutent quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, et donc forcément, on s'est dit, tiens, pendant les 20 premières minutes, Or, bon, pour vous, on va faire. Non, en fait, c'est pas du tout vrai, c'est parce qu'on comme ça, on peut dormir 20 minutes de plus. Donc, parle pour toi. Ouais, bon, enfin, oui, bon. Parle pour toi, oui. Bah non, parce que nous, si on a quand même des choses à faire. Tu vois, bah, toi, si tu prépares des trucs. Si on commence à 6h, vous devriez commencer 20 minutes plus tôt encore. Bah, oui, mais donc, toi, ça vous permet de dormir 20 minutes de plus. Voilà, tout est dit. Hein? Comment ça, dictateur? Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez, 63-22 pour les réponses et qu'est-ce que Luna maintenant? Le son de Kate de Luna sur Fun Radio à 6h37. Bonne matinée tout le monde, c'était Drop It Low. Tout à l'heure on fera le tirage au sort pour savoir celui qui repartira direction Ibiza. Ceux qui se sont inscrits tout au long de la semaine au 63-22 en débutant par Star, qui ont pu gagner déjà des cadeaux et qui pourront encore gagner des cadeaux, puisque avant le tirage au sort qu'on fera vers 9h-9h30, il y aura encore un jeu pour repartir avec les Sony Ericsson Xperia, les smartphones, ou encore deux places pour aller à la soirée Guetta qui aura lieu à Liège le 30 septembre, ou encore le nouvel album de David Guetta. Si vous voulez vous inscrire, 63-22, vous débutez votre message tout simplement par Star avec vos coordonnées complètes et on vous appellera d'ici quelques instants. Donc soyez bien au taquet. Je vous rappelle vite fait la petite énigme de ce matin, l'énigme qui colle pour repartir avec un écran plat LED avec le lecteur DVD incorporé, ou encore deux places pour aller au parc Astérix. Je suis un virage qui ne mène nulle part. On proposait un carrousel. Non, pas du tout. Un circuit, ce n'est pas ça non plus. Le virage de la délinquance. C'est beau. Oh, mais c'est pas ça, non. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Où est-ce qu'il y a les messages? Un rond-point, non, c'est pas ça. Un trou noir, c'est pas la bonne réponse non plus. Un trou noir est un virage. Ouais, bah c'est ça. Coucou Mickaël, Toff et Julie, la réponse est un rond-point. Bisous et bonne émission. Mais non, bah, merci beaucoup, part, mais c'est pas ça. Bon, allez, on va donner un petit indice. En général, quand vous avez un cours de maths, les cours de maths chiants de l'époque, enfin, ou encore d'aujourd'hui, pour ceux qui sont en plein dedans, ouais, il y a des carrés. On a commencé par ça ce matin. Ouais, c'est vrai. Il y a des carrés, il y a des rectangles, il y a des triangles, et puis il y a une forme qui est ronde. Je peux pas dire plus là. Ça commence à devenir un petit peu violent après. Si vous avez la bonne réponse, ça commence par un C. Voilà, après merde. 63-22, vous débutez votre message tout simplement avec la réponse. Et on vous rappelle d'ici un quart d'heure à peu près pour vous offrir votre télé écran plat LED avec lecteur DVD incorporé, ou alors deux places pour le parc Astérix. Je suis un virage qui ne mène nulle part. À votre avis, qui suis-je? Bonne chance tout le monde. Et puis on va parler de Jay-Z maintenant. Jay-Z qui bah, vous connaissez Jay-Z évidemment. Ah oui, tout le monde connaît Jay-Z. Ouais. J'ai vu un concert de Jay-Z. Impressionnant. À mon avis, ça doit être assez. Oh, mec, putain, mec, franchement, l'assure. La classe, quoi. Vraiment. Hein. Et eh ben, Jay-Z, c'est le mari de Beyoncé. Oui, bah, il décède ça aussi, c'est la classe. Ça aussi, c'est bien la classe. Et en plus, Beyoncé est enceinte. Tout le monde peut le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Est enceinte de quelques mois. Elle l'a annoncé il n'y a pas longtemps à une soirée des MTV. Donc, elle est enceinte. Mais apparemment, la petite rumeur court que ce ne serait pas le premier enfant du rappeur. Et oui, il aurait déjà eu un fils caché qui a déjà 9 ans. Ah oui, quand même, donc avec il est bien certaine... caché. Oui, il est bien caché. Chinelle Scott, un mannequin antillais. Et c'est le père de cette Chinelle qui aurait dévoilé l'info dans un magazine. D'après lui, il y a eu un test ADN qui a été fait. Non, le faux père, alors. Enfin, non, père de Chinelle. Ah, de Chinelle. Le père de Chinelle, d'accord. La maman du petit garçon. Ok, d'accord. Et donc, c'est lui qui affirme que donc il y a un test ADN qui avait été fait, qui avait montré que Malik, donc, il s'appelle comme ça, n'avait pas mère n'avait pas couché avec le soi-disant père, et qu'apparemment ça aurait été avec Jay-Z. Donc tout ça est encore un petit peu flou. D'accord, mais tout cas, risque de rapporter beaucoup à la famille. Mais de Malik. Apparemment elle aurait déjà reçu $1 million pour son silence, et Jay-Z paierait déjà. Non, moi je veux bien que Jay-Z me fasse un enfant. Une pension à l'enfant, pour $1 million, j'avoue. Non, mais quand t'es pas le père, c'est quand même louche de donner $1 million comme ça, tu sais. Et oui, mais bon, est-ce qu'il a vraiment donné $1 million? Tu vois, c'est ça le truc. C'est le grand-père du petit garçon qui s'exprime. Donc, est-ce que d'accord. vraiment. Bon, on sait pas. Mais en tout cas, franchement, moi, je serais une fille, j'irais me faire toi, un gosse. Mais toi, dès qu'il y a du pognon, toi, t'es. Je dis, ah ben, c'est Jay-Z, hein. Attends, $1 million, après tu le déposes aux petits-enfants des pauvres. Non, avec $1 million, voyons. Bon, 6h41 sur Fun Radio, restez bien avec nous. Dans un instant, la ligne anti-relou, et je vous explique comment faire pour qu'on puisse vous rembourser votre facture. Et restez là aussi, puisqu'il y a Lucenzo qui va arriver, Danza Kuduro. Et si vous aimez ce style de musique, rencard ce soir à partir de minuit, juste après Keep It Real. Ce sera l'Invasion Latine avec Manu sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini. Je suis super heureux d'être en Belgique. Mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 6h46 sur Fun Radio, on fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Que se passe-t-il sur les routes déjà? Alors, il y a un accident sur le 411 Bruxelles en direction de Namur à hauteur de Sterpenich. Apparemment, c'est un accident entre deux camions. Et puis, accident également sur le 17 en Vence en direction... C'est la frontière, ça, Sterpenich? Oui, tout à fait. La frontière luxembourgeoise. Oui, deux camions, c'est de côté du Grand Ducal et ça provoque déjà des files avant la frontière. Les deux, là, ils étaient leur connaissance en géographie. Ah, ben non, mais c'est pas ça, mais c'est le poste frontière, on en a parlé hier, il y avait aussi un bouchon là, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Il y a accident également sur le 17 en Vence en direction de Courtrai à hauteur de Saint-Nicolas, et c'est la bande de droite et du milieu qui sont obstruées. Attention, la situation est dangereuse. Enfin, c'est très bien. De toute façon, Julie et moi. C'est pas de père Fouettard ou... Ouais, c'est ça. De toute façon, on en parlera. Julie, elle connaît bien le poste frontière là. Et tous les week-ends, elle va poster son pognon au Luxembourg là. Oui, bien sûr. Elle va planquer ses valises avec tous ses lingots d'or. Alors là, moi, je suis croule. Mais c'est ça, hein. C'est elle fraude, le fisc, elle fraude. Ah, oui, non, mais elle là, dépose tout son pognon au Luxembourg. Bien sûr, bien mais sûr. Mais oui. Si au moins j'avais le temps d'aller jusqu'au Luxembourg. Oh, tout de suite, exagéré. Là, avec son temps. Bon allez, c'est parti maintenant pour la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, bien sûr, jingle de la ligne anti-relou. J'ai failli oublier. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Voilà, 6h47, le monde sans relou. C'est chaque matin, en tout cas on l'essaye, cette ligne anti-relou. Et comme nous sommes vendredi, notez bien le numéro, car si vous ne le connaissez pas encore par cœur, il serait peut-être temps de commencer à essayer de le retenir ou à le noter. 0473 86 0013. C'est le numéro qu'il faut donner à tous les relous que vous allez croiser probablement dès ce soir. Toff l'a eu deux fois d'ailleurs hier à la boîte où il a été voir Pamela Anderson. Oui, d'ailleurs je l'ai même donné à Pamela Anderson. Ouais. Et donc voilà. D'accord. Et donc du coup on va voir si elle t'a rappelé. Oui. On va voir si elle avouera qu'elle m'a menti. Enfin si il ou elle t'a rappelé. Oui. Bon, c'est pas très bien encore. 0473 86 0013. Donnez ce numéro à tous les relous de Belgique. Ils vont donc comme ça tenter de vous appeler. Déjà ils vont vous lâcher la grappe puisqu'ils vont avoir votre numéro, ils seront contents. Sauf qu'au final, bah, quand ils vont appeler, ils vont tomber chez nous. Et nous on va se marrer en écoutant les messages, comme par exemple le premier de ce matin. Ouais, Lorenzo, ici c'est Vicenzo, c'était dernier rendez-vous près de Diffusion Menuiserie, ouais, mais t'es jamais venu et là je suis en train de me faire chier, mais si tu pourrais te dépêcher, si tu pourrais. Ouais, parce que ça me fait complètement chier d'ailleurs, je crois que je vais me casser et que tu vas aller te faire foutre, hein. Ça va, et ton modem tu pourras te le mettre où je pense, hein. Ça va, allez, salut. Et le mec il arrive, oui écoute, j'aimerais bien que tu viennes en 10 secondes. Ouais, va le faire foutre, hein, ça, ouais, c'est ça. Con, au départ il est en train d'être gentil, puis en fait non. Ah c'est bon ça, il était bien celui-là. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, c'est parti. Ouais, tout, pour Fabrice. Bah voilà, apparemment tu réponds pas, mais c'est que tu veux plus de moi, je fais pas. Bah tant pis, bah, tu sais pas ce que tu rates, je suis un gars bien, tant pis pour toi. De toute façon, je trouverai mieux ailleurs. Salut, je t'appelle plus. Ah, c'est celui d'avant-hier, ça, non? Qui avait laissé trois messages, ou hier, je sais plus. C'est là. Pas vrai. Qui avait laissé trois messages, il rappelle encore une fois, dis donc. Hein. Oh, le pauvre. Oh, nul, le pauvre, enfin. Ça me fait un peu pitié. Bon, dis donc, je sais pas ce que tu rates, de toute façon, je m'en fous, je trouverais mieux ailleurs. Hein. Bah, tu sais quoi, allez, au revoir. Hein. Oui, bon, d'accord. Okay. Voilà. Bon, allez, troisième message. T'as pitié de ça, Julie, c'est dingue. Mais non, mais il appelle dix fois, le gars. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent, et je voulais faire un message à Julie Lisefol. Je voulais lui dire qu'elle avait une jolie voix et que je suis amoureux de sa voix. Voilà. Et que je ne sais pas comment ça se passait pour toi, ou si c'est possible, enfin bon. Mais tout est possible. Mais rassure-toi, tout c'est est possible. Rassure-toi, elle mon cœur est déjà pris. Oui, mais son cœur peut-être, mais peut-être pas le reste. On peut pas savoir. Ok, merci Mickaël pour cette remarque fort sympathique. Son esprit peut être non, ailleurs. Non, tout est déjà pris. C'est elle qui, t'as vu, c'est elle qui est perverse. Alors qu'on pourrait simplement dire 04, 95. Oui, ouais, on pourrait, ouais, par exemple, ou 04, 73, non, 86, mignon, 0013. Voilà, moi, je suis déjà très très amoureuse. C'est vrai, pour l'instant en tout cas, mais bon, sois patient, on sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai. Non, je crois que ça va. Mais on sait jamais. Mais on ne sait jamais, très bien. Jamais, bon. Ce serait dommage d'apprendre ça à deux jours. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, bah oui, ce sera. À deux jours, bien sûr. 6h50 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Le retour de la ligne anti-relou, ce sera dans moins d'une heure. Et puis, on va dans un instant aussi appeler quelqu'un qui avait la bonne réponse pour lui filer plutôt. Hein, bon. Un écran plat LED. On va lui jeter à la gueule. C'est ça. Un écran plat LED avec le lecteur DVD incorporé. Ou alors, deux places pour aller direction le parc Astérix. Je suis un virage qui ne mène nulle part. Comme je l'ai dit pour donner un indice tout à l'heure, en général, on en parle dans les cours de maths. Il y a des carrés, il y a des des triangles, il y a des rectangles, et il y a aussi cette forme ronde qui commence par un C. Voilà, bonne chance tout le monde, 63,22, 1€ par message. Et puis on va s'écouter le son de Lucenzo maintenant et Don Omar, c'est Danza Kuduro sur Fun Radio. Il est 6h51, bon réveil. Eh ben j'allais dire avec Don Omar à l'instant. Et c'était Danza Kuduro, il est 6h54 sur Fun Radio. Rencard ce soir aussi, dès minuit, je vous l'avais déjà annoncé, c'est l'Invasion Latina, avec que des sons pareils, des sons latinos justement sur Fun Radio. Pendant une heure, ça se passe comme ça, tous les vendredis entre minuit et 1h du mat, avec Manu, c'est juste après Keep It Real sur Fun Radio. 6h54, et nous allons accueillir maintenant Samuel, qui est avec nous maintenant, 31 ans de Binche, où on écoute Fun sur le 99.7. Salut à toi, comment ça va Sam? Bonjour, ça va très bien, très bien. Bon, bah tant mieux. Alors apparemment, c'est ton anniversaire, là, dans 2 jours. Oui, c'est ça, bon. Eh, bah bon anniversaire. Bah oui, merci, félicitations, hein. Bah attends, et musique d'anniversaire. Oh non. Ah si, si. Si, 31 ans, on peut. Ça me dérange pas. Attends, attends. Voilà. Voilà. Voilà, bon anniversaire Samuel. Et merci Julie pour cette petite chanson. Bon Samuel, alors on t'avait posé une petite devinette. Enfin on avait posé une petite devinette qui colle. Attention, je suis un virage qui ne mène nulle part. Qui suis-je ou que suis-je? Un cercle. Bah oui, en toute simplicité, effectivement, c'est un cercle. Et bah bonne réponse, bravo à toi. Bravo à toi, puisque tu repars soit avec un écran plat LED, écran avec lecteur DVD intégré, soit bah, avec 2 places pour le parc Astérix. À toi de voir ça au standard, soit d'accord. Avec notre gratitude, il peut partir. Soit, oui, oui, c'est vrai. C'est quand même le plus beau des points. C'est vrai. De quoi tu dis, Sam? Non, c'est génial, un grand merci à vous. Mais je t'en prie, génial. Passe une bonne journée à Binche. À bientôt, Sam. Ciao. Bon, ben voilà, bonne chose de faite. C'est bien ça, ça fait plaisir. Le premier cadeau à 6h56, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai une petite question qui colle. Si vous avez suivi un tout petit peu les infos insolites, je pense que vous pouvez avoir la réponse facilement. Au total, combien mesurent les plus longs ongles du monde? Si vous avez la bonne réponse, là aussi 63,22, là aussi des cadeaux, là aussi vous envoyez la réponse, donc 63,22, 1€ par message. Au total, combien mesurent les plus longs ongles du monde? C'est en mètres hein, quand on cherche la réponse, hein. Cherchez pas en centimètres, enfin vous pouvez aussi, mais bon, c'est fait beaucoup ça de chiffres. Ça fait plus de chiffres. Oui. Voilà, donc en mètres, à votre avis, combien mesurent les plus longs ongles du monde? 63,22, n'hésitez pas, voilà. Alors, bon, hier Toff avait téléphoné en Flandre en parlant français pour dire qu'il avait perdu ses clés pour voir s'ils allaient répondre en français par rapport à BHV en même temps pour voir un peu s'ils étaient contents, etc. C'était pour fêter la signature quasiment de BHV, et donc du coup je m'étais dit on va appeler chez les Flamands pour voir s'ils nous aiment toujours, nous les francophones. Voilà, et donc à la maintenant fin de l'émission Julie me dit ouais mais bon les Flamands ils peuvent peut-être appeler les francophones. C'est ça, donc on va appeler maintenant Toff le Flamand. Il va donc appeler un francophone, on va à Fran-les-Gosselies. Oui, c'est une très très belle ville. Très charmante. Allez c'est parti, Fran-les-Gosselies, on appelle maintenant pour voir s'ils vont parler en flamand, ça m'étonnerait. Allô? Ja, oui, allô, madame? Pardon? Ja, allô? Allô? Oui. Ja, oui, tu entends, moi? Oui. Oui, voilà. En fait, je suis le nouveau voisin de toi. Ah bon? Oui, oui, oui, oui, oui. Et en fait, j'appelle toi parce que je suis dans un problème ici. J'ai perdu mon clé. Et c'est où tu habites? J'habitais dans le un peu plus loin dans le rue dans le numéro 14. Et donc en fait voilà, je voudrais du savoir si en attendant le monsieur de la serrure je peux me venir dans le chez toi. C'est quoi, je crois que vous vous trompez hein. Non madame, je pris le numéro avec le page du blanc. Page blanche. Oui, oui, oui, oui. Et vous habitez où? C'est quoi votre rue? C'est le même que toi, madame. Mais c'est quoi la rue? Oh là là, attends, faut que je prenne mon papier. Vous savez pas où vous habitez? Mais je viens de faire dans l'emménagement. Oui, c'est ça. Bon, allez. Voilà. Une bonne blague. Hein. Mais, allez, madame, non, mais tu vas pas me laisser dans le dehors quand même? Ben si. Mais enfin, madame, c'est froid aujourd'hui. C'est pas grave, hein. On n'en meurt pas. Bah, allez, oui, au revoir. Madame, c'est un peu tôt pour appeler. Bah, oui, mais je suis levée. Hein. Mais oui, mais enfin, je suis coincée, moi, hein, madame. Mais oui, mais tu peux bien attendre. Hein. Bah, enfin, madame, c'est pas... Allez, salut. Hein. Et ben voilà, ça y est, c'est plié, c'est torché. Hein, donc, fort sympathique. Hein. Voilà, elle t'a envoyé un bon matin. Elle reste envoyé, dans le froid seulement. Elle t'a envoyé pète, si je puis me permettre. Hein. Bon, on rappellera tout à l'heure et tout dans un instant. Sac Noël va débarquer. Ce sera Loca People sur Fun Radio et les infos, c'est dans une minute. Ne bougez pas de là. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h du mat. Dans un instant, on va vous rembourser vos factures. Pour vous inscrire, c'est dans moins d'une minute. 63-22, débutez votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Ça va arriver dans 10 minutes, on appellera chez vous. 7h du mat, pendant que Julie s'étire, on va se faire les infos. Salut à tous, le FDF n'est pas content du tout avec l'accord conclu par les négociateurs sur BHV. La NVA non plus, mais si la NVA ne fait clairement pas partie des négociations, le FDF un peu quand même, puisque le parti de Olivier Minguin lié au MR, le divorce entre le MR et l'UFDF n'est donc plus très loin. Et Didier Bellens, le patron de Belgacom, sauf sa peau, il a finalement décidé de ne pas réintégrer sa conseillère principale Conchita Fagart. Il suit donc l'avis du conseil d'administration. Michel Martin peut être bientôt dans un couvent aux Pays-Bas, selon la télé néerlandaise. Un couvent à Thorn serait prêt à accueillir l'ex-femme de Marc Dutroux. Michel Martin avait déjà proposé de rejoindre un monastère en France en mai dernier, ce qui avait été catégoriquement refusé par le ministre de la Justice française. Michel Martin a déposé à la fin du mois d'août une nouvelle demande de libération conditionnelle au tribunal d'application des peines de Mons. Réponse le 22 septembre. Aux assises du Hainaut, dans le procès des empoisonneuses des collines, Jacqueline Dert est reconnue coupable de vol avec la circonstance aggravante de meurtre. Elle avait donc tué le 22 mars 2009 à Fresnes-lès-en-Vin. Un couple de septuagénaires. Sa fille Isabelle l'écope d'une peine d'emprisonnement de 17 ans et Mélissa, la compagne d'Isabelle, de 12 ans. La plus vieille disparition en Belgique a été élucidée. Les analyses ADN ont permis d'identifier les restes humains découverts fin juin dans l'épave d'une voiture repêchée dans le canal Gand-Ostende. Il s'agit des restes d'une femme disparue il y a 30 ans. La plus vieille histoire de disparition du royaume. Les circonstances du décès restent encore pour l'heure inconnues. Le jeune disparu de Turnhout a été retrouvé aux Pays-Bas. Anouar Arab, âgé de 13 ans, avait quitté lundi le domicile de son père à Turnhout à l'issue d'une dispute. Le jeune garçon avait indiqué qu'il comptait rejoindre sa mère aux Pays-Bas, mais il n'était finalement jamais arrivé jusque-là. Il a été retrouvé, mais les circonstances dans lesquelles il a passé les deux derniers jours n'ont pas encore été clairement établies. DSK s'exprimera sur TF1 dimanche. Selon le quotidien français Le Point, il sera l'invité de Claire Chazal au 20h. Et c'est un moment très attendu puisque Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le 14 mai dernier, date à laquelle il était arrêté à New York, accusé de violence sexuelle par une femme de chambre d'un hôtel, Nafissatou Diallo. Enfin en sport, en Europa League, bonne performance pour les clubs belges. Match nul pour le Standard à Hanovre. Anderlecht a atomisé le club d'Athènes 4-1. Et Bruges a battu 2-0 Maribor. Et pour info, DSK sera sur TF1 effectivement dimanche. Et pour la Belgique, il passera chez nous. Oui. Non, voilà. Exactement. En exclusivité lundi. Sur Fun Radio, exactement. Donc soyez bien à l'écoute de Fun lundi matin. 7h03 sur Fun, la météo maintenant. Alors matinée plutôt ensoleillée, les nuages arriveront cet après-midi et ce soir la pluie est déjà de retour. Température jusqu'à 21 degrés. Content, ce week-end content, c'est à petit peu près content. La même chose, mais demain un matinée ensoleillée et puis pluie l'après-midi. Génial. Voilà, voilà. Ah, le top du top. Bon, ouais. 7h04, l'info en plus, c'est dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. 7h04 sur Fun Radio, dans un instant on paye vos factures. Je vais donc vous appeler en direct dans un peu plus de 5 minutes pour vous rembourser cash votre facture. Et pour qu'on vous la rembourse, bah c'est facile, suffit de vous inscrire au 63-22, c'est 1€ par message. Vous débutez le message par facture impérativement. Et puis vous laissez tout simplement le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Comme là par exemple 168€ pour des lunettes avec les verres, 815€ pour le cadastre, 195€ pour un voyage scolaire, 900€ pour les vacances. Je pars dans 2 jours je suppose, puis ou 2 semaines, je sais pas, il y a juste un 2 et puis après il n'y a pas la suite du message. 297€ pour les contributions auto, 309€ pour l'assurance, 40€ pour la facture téléphone, etc., etc. 63-22, débutez votre message par facture. On vous appelle dans moins de 5 minutes. Et avant ça, c'est l'info en plus. Alors une petite info en plus pour nous qui sommes ici en ce moment même. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est que ceux qui se lèvent tôt sont plus heureux. Ah, ben on s'en rend pas compte. Voilà, pas facile de se réveiller quand le, voilà, de se lever quand le réveil sonne. Et pourtant, ça, c'est clair, hein, les personnes qui se lèvent tôt sont apparemment plus heureuses et en meilleure santé. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh ben oui, tu peux donner des pains. Ben oui, une nouvelle étude l'affirme en tout cas. Les personnes qui sortent du lit en moyenne 6h58 travaillent mieux, sont moins déprimées, moins stressées et ont une ligne plus fine. Ah bon? Donc levez-vous tôt parce qu'apparemment ils font aussi les corvées plus rapidement, etc. Donc quand on se lève tôt, on est plus au taquet, quoi. Ah, c'est vrai que par rapport à avant, quand je faisais le soir, en tout cas la libre antenne, c'est vrai que j'ai l'impression de faire plus de choses aujourd'hui. Mais de là être plus heureux, avoir la taille plus fine, je suis pas sûr. Hein. Ah bah écoute, je me sens mieux dans mon corps. Ouais, bah dis donc. Le matin, je me caresse le corps et je me dis, qu'est-ce que tu es maigre. Ouais. Alors, ça dit donc, il faut acheter des lunettes maintenant. J'aimerais juste préciser que l'étude dit qu'en moyenne les lève-tards sortent du lit à 8h54. Pour moi, ça veut pas dire tard, hein. Mais bon, ah voilà. Ouais, non, moi non plus, hein, parce qu'avant je sortais du lit vers 11h30. Oui, c'est ça, 8h50. Alors le week-end, les lève-tôt se réveillent à 7h47 contre 10h09 pour les lève-tôt. Ah ouais, donc ça c'est la moyenne. Moi j'ai envie de dire que je suis très heureuse la semaine parce que je me lève très tôt et alors très malheureuse le week-end parce que je me lève quand même un peu plus tard que 10h09. Hein. Oui, bah c'est ça. Ah oui, quand même, donc une vraie paillasse alors. Hein. Faut rattraper. Hein. Ah, bah c'est ça. Bon, dites-nous, tiens, à quelle heure vous levez, vous, la moyenne, comment ça se passe chez vous, là, le week-end et la semaine. 30-44 par SMS, vous nous dites, ou sur le Facebook, vous allez sur mikael.fm, le sac Noël. On va écouter maintenant Loca People sur Fun Radio. C'est parti. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mikael vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. What the fuck? Le son de Sac Noël à l'instant sur Fun Radio à 7h10. Soyez les bienvenus si vous arrivez. C'était Loca People et comme chaque matin, nous allons maintenant vous rembourser votre facture. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Sachez-le, 7h10, 8h10, 9h10, on appelle des gens au hasard qui se sont inscrits évidemment au 6322 en débutant le message par facture pour tenter de leur rembourser des factures. Toff, on va appeler chez qui pour rembourser combien? Je ne sais pas, mais nous allons rembourser 35,70€. 35,70€, d'accord. Allez, c'est parti, on appelle. Je vous rappelle que vous pouvez encore évidemment vous inscrire au 6322, mais alors attendez une ou deux minutes parce que si jamais ça décroche pas maintenant, mieux vaut s'inscrire après que je vous le réponse. Bonjour. Ah bah voilà, vous avez vu. Vous êtes en contact. Voilà, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le voulez, hein, puisque étant donné que ça n'a pas décroché, nous allons rappeler dans une heure pour vous offrir justement la possibilité de rembourser votre facture. Mais on ne sélectionnera que ceux qui s'inscrivent entre maintenant et 8h10. Voilà. Alors attention. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir. Oui, au revoir. Et merci. Allez, allô, bonjour, c'est Mickaël, on t'appelait pour te rembourser ta facture, t'étais sur Fun Radio. Mais oui, Oh, c'est vraiment ballot ça. Hein. Bon, on t'appelait pour te rembourser ta facture de 35€, c'est ça, hein, Toff? Oui, 35,70€. Voilà, 35,70€, malheureusement, c'est raté. Bon, bah tant pis, hein. Tu retentes ta chance quand tu veux, en tout cas. Je te souhaite une bonne journée, gros bisous à toi, à bientôt. Une bonne paire de. Bon serrage demain si t'es un homme, évidemment, oui. Pas de problème. Bon, eh ben les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. 6322, vous débutez votre message tout simplement par facture avec le montant de la facture. Facture routière de 790€, oui quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? 231€ pour Electrabel, Belgacom, 61,61€, 65€ pour des livres d'école, 507€ pour les frais d'inscription pour les études, 140€ pour l'assurance du scooter, 108€ pour les cotisations sociales, 30€ pour un PV, etc. etc. 1000€ pour le gaz. Ah oui quand même, hein, dis donc. Hein. C'est cher le gaz. C'est cher hein. Le gaz. On se rend quand pas même, compte hein. comme ah, ça. Non, mais... non, ça c'est vrai. Bon, eh ben, très bien, 6322, débutez votre message par facture. Dans moins d'une heure, on vous rappelle en direct pour vous rembourser votre facture. Vous avez donc toutes vos chances. On va se faire le son de Ina dans un petit instant. Et puis sinon, il y a plein de messages qui arrivent aussi pour nous dire à quelle heure vous vous réveillez là. 3h30 le mercredi, jeudi, vendredi, 1h30 le samedi, dimanche, lundi, mardi, à midi, boulanger. Ah, il est boulanger. Ah bah oui, Guillaume de Tournai, oui, on se lève tôt. Moi, je me lève tous les jours à 5h30, je suis habitué ainsi. Moi, c'est 3h10 la semaine et 8h le week-end. Deux métiers, c'est pas facile, c'est Lude de Tournai. Moi, c'est Mumu, je me lève tous les jours à 5h15 et le week-end à 7h. Ah, et donc, 5h30 et j'en ai marre, c'est David de Bruxelles, tu m'étonnes. La semaine à 3h et le week-end à 7h, c'est Fredo qui dit là, bonjour à vous. Moi qui me plains, quoi. Ah ouais, je le fais à 3h, ça par contre. Ah, on a la cool. Hein. Oh grosse escorte de nostalgie sur la E411, c'est police. J'ai pas compris. Oui, j'ai pas très bien compris non plus, voilà. J'ai vu ça, mais j'ai pas très bien compris. Et voilà. Ils auraient des voitures banalisées avec des logos nostalgie. je sais pas. Ce serait très rigolo. Mais ce serait drôle, ouais. Bon, dans un instant, je vous rappelle la petite question qui colle, et puis je vous l'avais promis. C'est Ina qui arrive dans un instant. Avec Club Rocker, il y aura également L'horoscope de Doudou sur Fun, restez là. Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Allez, 7h16, on accueille Doudou maintenant pour l'horoscope avant d'écouter voilà, Ina. Voilà, je suis là, Comment ça va, Doudou? Oh, je suis tout flappy flappo. Bah oui, bah, ce sont les choses qui arrivent, hein, si vous voulez. Oui. Bon, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, ça ira mieux demain. Parce que je ne sais pas comment j'aurais fait demain sinon. Bah vous inquiétez pas, vous dormirez. Bon, on va commencer par les béliers, Doudou. Alors, concentrez-vous plus sur les désirs de votre partenaire. Les taureaux. Pour réussir, il faut savoir s'organiser. Les gémeaux. Vos chances financières et professionnelles sont extrêmement bonnes aujourd'hui. Ah, bah, bonne nouvelle. Les cancers, comme Julie. Pour une fois, essayez de vivre plus calmement. Enfin, il ne fait rien de ces journées. Voyons. Pas de stress, du calme, que du calme aujourd'hui. Voilà, c'est ça, oui. Les vacances, quoi. Mais oui. Mais oui. Les lions. T'es en train de parler dans ses dents, là, c'est bizarre. Les lions. Oui, on a dit plus calme aujourd'hui. Hein. Allez, calme-toi. Lion, agissez prudemment dans vos affaires d'argent, sinon vous risquez d'en subir les conséquences. Les vierges. Ne pensez plus au travail. Aujourd'hui, c'est une journée sans fait particulier et surtout sans rien faire. Oui, ça aussi. Les balances. Professionnellement et financièrement, vous traversez une bonne période. Oui, bon, en général, ça arrive rarement, ça, donc profitez. Hein. Les scorpions. Acceptez une invitation, sortez et amusez-vous. Et après, vous le ramenez ou vous la ramenez à la maison ce soir. Hein, et vous lui faites son affaire. Oui, ça peu importe. Oui. Les sagittaires. Un ouragan n'est rien en comparaison avec vous. Alors, où est-ce que vous allez chercher toute cette énergie? J'en veux un peu aussi, moi. Les capricornes. Par ce temps, buvez beaucoup, mais pas d'alcool. Évidemment. Les Verseaux. Vous devriez trouver un bon équilibre entre activité et repos pour ne pas vider vos batteries. Très bien. Et enfin, les poissons. Tout va comme sur des roulettes et vous le savourez. Pas les roulettes, hein. Non, bien évidemment. Bon, très bien. Tout à l'heure, Doudou. Mais oui. Bon, dans un instant, on va parler ch'ti. Hein, vous êtes habitué maintenant de parler ch'ti. En plus, vous aimez bien quand on parle ch'ti. Bah, bien sûr. Ouais. Et dans un instant, la réponse aussi. Combien mesurent les plus longs ongles du monde? C'est 7m51, c'est moins. 8m53, c'est moins. 4m, c'est plus. 5m, c'est plus. 3m20, c'est plus. 9m, c'est forcément moins. Ça vous a donné quand même quelques idées, je pense. 63-22 si vous avez la bonne réponse. Et puis, on va écouter Ina maintenant. C'est Club Rocker sur Fun Radio. Bonne matinée. Le son d'Ina à l'instant sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. 7h21, c'est vendredi aujourd'hui, le 16 septembre. Ça fait plaisir, c'est le dernier jour de la semaine. Dans un instant, il y aura les infos aussi dans moins de 10 minutes avec notre amie Julie, bien entendu. On aura le son de Likey Lee, ça ce sera tout à l'heure, bien sûr. Et puis, bah, devinez encore une fois qui est de retour. Eh oui, les ch'tis, bien évidemment, les ch'tis, je ne m'en lasse pas. Plus ça va, plus je me dis qu'il faudrait que Play RTL commence à diffuser cette série relativement rapidement. Oh, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Hein. Imagine tous les gens qui vont s'identifier à eux. Non mais c'est pas possible, là. Ils sont tellement loin, les ch'tis à Ibiza, si eux. D'ailleurs, j'en ai encore une belle preuve, là. Julie, alors par exemple, pour te faire faire un tatouage, t'irais où, toi? Dans un salon à Bruxelles, le tatouage. Un tatoueur, quoi. Ah oui, certainement. Voilà, ouais. Eh bien, pas Jordan. Bah écoute bien. On était dans Ibiza Centre. Et là, on tombe vraiment dans un magasin de tatoueurs. Dans un magasin de tatoueurs. Mais oui, un magasin de tatoueurs. Bonjour monsieur, bah, écoutez, vous me mettrez 4 tatoueurs. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Si on a un peu plus, c'est pas grave. C'est ça, vous faites un prix si j'en prends plusieurs. Mais bon, Jordan, évidemment, c'est un vrai champion du monde. Hein, puisque, bon... Bon, écoutez, je n'en dis pas plus, écoutez. Bah, j'en avais déjà fait des cartes postales, mais bon, c'était il y a longtemps. Je ne me rappelais même plus comment il fallait faire une carte postale. Je ne sais même pas s'il fallait pas la mettre dans une enveloppe ou quoi, avec la terre. Eh oui. Ah bah oui. Je devais écrire quelque chose sur la photo. Ah bah moi, je l'ai mis comme ça dans la boîte. Eh oui, mais c'est tellement plus simple d'envoyer un petit MMS ou un mail. Hein. Ouais, enfin, une carte postale, faut vraiment être teubé pour pas savoir qu'il faut écrire un truc dessus et mettre un timbre, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, la qualité principale de nos ch'tis, évidemment, c'est le bon usage de la langue française. Chercher l'erreur. En fait, tu m'as montré une fois comment ça marche leur logiciel. Et après, ça a été comme sur du beurre. En fait, c'est hyper simple. Comme sur du beurre. Mais c'est pas possible. C'est des acteurs. Mais c'est un sketch. Mais non, c'est ça, c'est les ch'tis à Ibiza, une émission dans les roulettes. Exactement, ouais. Oh là là, nos ch'tis à Ibiza vont nous manquer quand ça va être terminé. Je sais que c'est le début, mais je suis tu déjà triste. Déjà à la fin, mais ouais. Oui, je suis déjà triste de devoir les voir partir. Bon, en tout cas, on vous tient au courant dès qu'il y a encore d'autres sons sur nos amis ch'tis à Ibiza. Rassurez-vous, nous serons sur sur nous serons le dans le coup. Dans le coup. Oui, bah c'est, ouais, c'est ça, c'est comme dans du beurre quoi. Voilà, ouais, c'est simple que ça. 7h24 sur Fun Radio, dans un instant la réponse à la question qui colle et la nouvelle devinette qui colle pour repartir avec un écran plat LED avec lecteur DVD intégré ou deux places pour aller au parc Astérix. En attendant, on va s'écouter le son de Anastasia. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. I'm on the love maintenant sur Fun Radio. Il est 7h24. Bonne matinée tout le monde et on fera un petit Mickaël réveille la Belgique tout à l'heure aussi, ce sera dans 10 minutes. Hein, là aussi si vous voulez vous inscrire 3044, débutez votre message par réveil. Le son d'Anastasia sur Fun Radio à l'instant, I'm Mother Love à 7h28, dans un instant l'info arrive et là nous avons Pierre avec nous pour la réponse à la question qui colle. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et vous? Bah oui ça va bien, t'appelles de Jodogne? Oui tout à fait. Très bien et tu as la réponse à la question qui colle. Combien mesurent les plus longs ongles du monde? 6 mètres de long. Exactement, 6 mètres de long. Pour voir la photo, c'est dégueulasse. C'est un truc de dingue. Il tourne une côte comme ça dans tous les sens. Non mais attends, mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, non mais c'est un truc de dingue. Donc voilà, 6 mètres. Et donc la meuf, en fait, elle ne sait jamais couper les ongles. Et donc elle est dans le Guinness Book dans c'est quoi? C'est beauté singulière. Ah oui d'accord. Ouais mais elle a dit qu'elle allait couper là maintenant. Ah ouais bah il serait temps. Petit à petit elle va les raccourcir parce que c'était juste pour rentrer dans le Guinness Book. Bah disons que toutes ces années où elle s'est fait chier pour rentrer dans ce Guinness Book. Bon bah écoute, bravo Pierre en tout cas, tu repars avec les cadeaux et puis je te souhaite une excellente journée. Ben merci à vous aussi. À bientôt, salut à toi Pierre, à bientôt, bye. Ciao. Salut, et attention, écoutez bien maintenant, puisque c'est maintenant qu'il y a la devinette qui colle pour partir peut-être avec un écran plat LED et le lecteur DVD intégré ou alors avec deux places pour aller au parc Astérix. Écoutez bien la question. On ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous et uniquement devant vous. J'ai donné un indice sans le vouloir tout à l'heure pendant qu'on parlait avec Julie de l'info en plus. Mm-hmm. Ça appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je n'en dis pas plus. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, on ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous et uniquement devant vous. Et si je ne suis plus devant vous, c'est que techniquement vous êtes mort. Voilà, la bonne réponse au 63-22 et l'indice, ça appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, l'info est là qu'il y. Avec I Follow Rivers. Ça fera plaisir à Julie qui est en train de chanter déjà. I follow you. Ça va arriver sur Fun, restez bien chez nous. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Avec l'avenir entre vos mains, plongez au cœur des informations qui vous touchent. Où que vous soyez, l'avenir vous parle de la vie, celle du monde, de votre pays et de votre région. Chaque jour, découvrez ce que l'avenir contient. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez 165 euros. Plus d'infos sur abonnez-vous.be. Décidément, hein, tous les indices là qui y vont, même dans cette pub à l'instant, hein, c'est très bon, ce qui a été donné 15 fois, c'est pas fait exprès. On ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous et uniquement devant vous. Et donc, hormis un indice appartient à celui qui se lève tôt, on peut également dire est au contenu. Oui, exactement. Voilà, je n'en dirai pas plus. 63-22, c'est 1€ par message si vous voulez vous inscrire. Écran plat LED avec lecteur DVD incorporé ou deux places pour le parc Astérix. C'est vous qui choisirez. 7h31, c'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, le FDF n'est pas content du tout avec l'accord conclu par les négociateurs sur BHV, la NVA non plus. Mais si la NVA ne fait pas partie des négociations, le FDF un petit peu quand même, puisque le parti est lié au MR. Olivier Minguin, son président, a averti les libéraux. S'il n'accédait pas à ses demandes complémentaires concernant l'élargissement de Bruxelles en contrepartie de la scission de BHV, ce sera la fin du parcours commun entre le MR et le FDF. Le divorce n'est donc plus très loin. Et Didier Bellens, le patron de Belgacom, sauf sa peau, il a finalement décidé de ne pas réintégrer sa conseillère principale Conchita Fagart. Il suit donc l'avis du conseil d'administration. Michel Martin peut-être bientôt dans un couvent néerlandais selon la télé néerlandaise. Un couvent à Thorn serait prêt à accueillir l'ex-femme de Marc Dutroux. Michel Martin avait déjà proposé de rejoindre un monastère en France en mai dernier, ce qui avait été catégoriquement logiquement refusé par le ministre de la Justice français. Michel Martin a déposé à la fin du mois d'août une nouvelle demande de libération conditionnelle au tribunal d'application des peines de Mons. Réponse le 22 septembre. Aux assises du Hainaut, dans le procès des empoisonneuses des collines, Jacqueline Dert est reconnue coupable de vol avec la circonstance aggravante de meurtre. Elle écope donc de 25 ans de prison. Sa fille Isabelle écope d'une peine d'emprisonnement de 17 ans et Mélissa, la compagne d'Isabelle, de 12 ans de prison. La plus vieille disparition en Belgique a été élucidée. Les analyses ADN ont permis d'identifier les restes humains découverts fin juin dans l'épave d'une voiture repêchée dans le canal Gant-Ostende. Il s'agit des restes d'une femme disparue il y a 30 ans, la plus vieille histoire de disparition du royaume. Les circonstances du décès restent pour l'heure inconnues. Plan d'aide à la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent en Pologne pour tenter de trouver des solutions à la crise de la dette. Cette réunion de 48 heures doit en principe permettre de surmonter les obstacles restants à la mise en œuvre du second plan d'aide à la Grèce d'un montant de 160 milliards d'euros décidé le 21 juillet dernier. DSK s'exprimera sur TF1 dimanche. Selon le quotidien français Le Point, il sera l'invité de Claire Chazal au 20h. C'est un moment très attendu puisque Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le 14 mai dernier, date à laquelle il était arrêté à New York, accusé de violence sexuelle sur une femme de chambre. Et puis enfin en sport, en Europa League, bonne performance pour les clubs belges. Match nul pour le Standard à Hanovre. Anderlecht a atomisé le club d'Athènes 4-1 et Bruges a battu 2-0 Maribor. 7h34 sur Fun Radio, la météo maintenant. Alors, matinée ensoleillée, et puis un petit peu plus de nuages l'après-midi, et puis carrément de la pluie en début de soirée. Température jusqu'à 21 degrés. Ce week-end, eh bien, ce sera un petit peu pareil. Génial. Voilà. Quel beau week-end. Et dimanche, 15 degrés. Voilà, voilà. Si c'est pas le mois de novembre, ça. Moi, j'ai froid maintenant le matin quand je me lève. Oui, bah, il est normal, il faisait 9 degrés ce matin. Je sens que c'est pas la même chose. T'as plus trop envie de sortir de ton lit. Ah ouais, là. Non, bah, je te confirme bien, va. Fun Radio. Fun Radio. Allez, on va se faire la petite info en plus dans un petit instant. Je vous rappelle d'abord la petite énigme qui colle pour repartir avec un écran plat LED avec le lecteur DVD intégré. On ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous et uniquement devant vous. J'ai donné un indice. Il appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quelqu'un proposait la journée. C'est vrai, on peut le dire, mais c'est pas la bonne réponse, malheureusement. La vie non plus. Le monde, ce n'est pas la bonne réponse. L'ombre non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Gaëtana qui proposait la vie, ce n'est pas ça non plus. Bah voilà, hein. Le futur, David de Bruxelles, c'est pas ça non plus. C'est le nom d'un quotidien. Hein, qui est au contenu. Ouais. Voilà, hein, si vous écoutez de temps en temps la radio et que vous avez la pub dans l'oreille, c'est est au contenu. C'est leur slogan, oui. Voilà, c'est ça. 7h35, c'est maintenant la question. L'info en plus, pardon. Alors, il existe des applications un petit peu dans tous les sens pour les smartphones. Ouais. Eh bien, ça y est, il y en a une nouvelle qui vient d'arriver et c'est pour aller faire pipi chez des inconnus. Ah, c'est bien ça. Voilà, vous êtes dans la ville, c'est pas toujours facile de savoir où se soulager. Propre. Parce que des toilettes, tu sais, des toilettes publiques, il y en a parfois, tu vois, quand t'es en centre-ville, mais parfois elles sont dégueulasses. Mais justement, c'est le but, c'est que maintenant, on peut aller se soulager dans des toilettes propres chez les particuliers. L'application s'appelle Clue, c'est une combinaison entre le mot communauté et closet, qui signifie donc toilette en anglais. Et donc, les utilisateurs pourront aller se soulager en toutes circonstances. Une liste d'hôtes sera proposée dans chaque ville. Il suffira aux utilisateurs d'aller sonner pour aller demander utiliser les toilettes. Mais pourquoi pas ? C'est une idée comme une autre, hein, tant qu'à faire. Faut bien avoir l'idée, on ne sait jamais. Bah oui, c'est sûr. Bon, bah, si vous avez d'autres applications sympas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous transmettre ce genre d'infos là. mikael@funradio.be par exemple. Bon, et à la question, on ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous, uniquement devant vous. Donc, appartient à celui qui se lève. Donc ça c'est un indice. Quelqu'un proposait un pare-brise. Merci, je l'attends. Le pare-brise appartient vraiment à ceux qui se lèvent. Oui, ça c'est clair. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Like it sur Fun Radio, I follow reverse. Dans moins d'une demi-heure, on appellera chez vous pour vous rembourser votre facture. Si vous voulez vous inscrire, 63,22 par SMS, c'est 1€ le message. Vous débutez le message tout simplement par facture, avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Ça peut arriver chez vous, puisque tout à l'heure, à 7h10, ça n'a pas décroché. Et vous savez que quand ça ne décroche pas, eh bien, automatiquement, on ne sélectionne que ceux qui s'inscrivent entre le moment où ça n'a pas décroché et le moment où on retentera notre chance. C'est-à-dire entre 7h10 et 8h10. 63,22, débutez votre message par facture, bonne chance. Et nous avons Toff et Lob avec nous pour réveiller la Belgique. Allô. Oui, allô. Oui, allô. Oui, alors... on ne peut pas parler trop fort parce que nous sommes dans l'internat qui est à côté de l'école. D'accord, okay. À côté de la radio, tu parles, voilà, tu veux dire. Donc là, nous sommes dans les couloirs de l'internat. Ouais. Et donc, Sébastien Loeb, qui est habillé dans un très joli costume de lapin, va courir dans les couloirs pour réveiller ses braves gens. D'accord, mais il fait bien. Avec le mégaphone, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu, très bien. Bon, alors, je coupe la musique pour qu'on l'entende bien. Malheureux. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Des grands malades. Il est fou. Il est complètement fou. J'entends les filles crier. Oh là là, mais ils sont malades. Voilà, ah, maintenant, fuyez. C'est bon, ça. Fuyez. On se croirait dans un Luna Park. Ah ouais, non. Alors ? Eh ben, écoute... Ça va, pas ça... de réaction. Nous avons réveillé 3 personnes. Ah, les autres dorment encore? Mais c'est une blague. Ouais. En fait, on a réveillé 3 filles qui reviennent de leur jogging. Ah oui, c'est ça, il me semblait bien que j'avais entendu des filles crier, ouais. Voilà, et sinon... Ah si, il y a un peu de lumière qui commence à s'allumer au fait. Ah ouais, mais c'est ça. Les mecs vont pas sauter directement du lit, quoi. Faut le temps qu'ils se rendent compte. Okay, Lob, il en peut plus, là. Ah, il est à fond. Il a un mégaphone dans les mains, c'est bon, là. Ça va. Ah, voilà, donc là, il vient de faire très très peur à 3 filles qu'on vient de croiser. Très bien. Bon, bah c'est parfait. C'est filmé, bien évidemment. Ce sera sur amical.fm tout à l'heure. Tout à l'heure, je ne sais pas, mais très prochainement. Bon, bah très bien, parfait. Bon, bah revenez à la radio avant de vous faire mettre dans le panier à salade. Hein. Voilà. Il a okay. Voilà. Ah, on arrive, on bon, a fait notre PA, on les a réveillés pour ce matin. Bon, bah okay. C'est parfait. 7h42 sur Fun Radio. Restez bien là dans un instant. La ligne anti-relou va arriver. On parlera du trafic aussi avec Julie et on donnera la réponse à la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat et le lecteur DVD incorporé. On ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous et uniquement devant vous. Si vous avez la bonne réponse, 63,22, c'est 1 euro par message. Et une chose est sûre. Oui. Le mot qu'on cherche appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh ! Dans un instant, Niro ! Avec Promises, un de mes sons préférés sur Fun Radio. Ça va arriver dans un instant. Surtout, surtout ne bougez pas de là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Il est 7h48 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. On fait un tour du côté du trafic maintenant avec Julie. Qu'est-ce qui se passe-t-il sur les routes? Eh bien apparemment concernant l'accident sur le 411 Bruxelles-Namur, à hauteur de Sterpenich, la chaussée est libre. Et concernant l'accident sur le 40 HN-Liège en direction de Bruxelles, à hauteur de Kreinheim, la chaussée est également libre. Mais la circulation est toujours fortement ralentie. Mais petite, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas, Sterpenich c'est à la frontière. Oui. Et pourquoi tu dis sur le 411 entre Bruxelles et Namur? C'est entre Namur et Luxembourg. Non, Bruxelles, direction Namur, Luxembourg. Ah ok, j'ai mal compris, très bien. Ok. Ou alors tu t'es mal exprimé. Non, non, je crois que tu as mal écouté. Je sais pas où tu t'es mal exprimé, non. Je ne sais pas. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. 7h49 sur Fun Radio. Allez, c'est le moment maintenant d'écouter les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h15. On vous fait écouter les meilleurs messages de relou, en l'occurrence, hein, qui ont eu le numéro par vous, les filles ou les mecs, on ne sait jamais. Hein. Vous avez donné ce numéro parce que vous êtes tombé sur un relou, que ce soit en boîte, dans un bar, en discothèque ou même en rue. Parfois, l'arrêt de bus, ça peut partout, arriver aussi. Partout, ils sont partout. Il y en a partout, c'est pire que la peste. Et donc, du coup, plutôt que de donner votre numéro de téléphone pour qu'il vous lâche la grappe pendant 5 minutes, eh ben, donnez le nôtre. Comme ça, de 1, il va vous lâcher la grappe définitivement. Et lui, il sera content. Il a le numéro de téléphone. Et donc, du coup, quand il va nous appeler, il va laisser un message. Sauf qu'à la place de tomber chez vous, eh ben, il va tomber chez nous. Ouais, Lorenzo, ici c'est Vicenzo. C'était dernier rendez-vous près de Diffusion Menuiserie, ouais. Mais t'es jamais venu et là je suis en train de me faire chier. Mais si tu pourrais te dépêcher, ouais, parce que ça me fait complètement chier d'ailleurs. Je crois que je vais me casser et que tu vas aller te faire foutre. Hein. Ça va, et ton modem, tu pourras te mettre où je pense. Hein. Ça va. Ah ben voilà. Allez. Salut. Allez, voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est si tu pouvais te dépêcher. Ouais. Bah, tu sais quoi, va te faire foutre, hein, sale con, bah, tu peux te mettre où je porte, ton bonhomme. C'est vraiment ça, quoi. Il est encore calme au début, et puis petit à petit, plus il parle, plus en fait il pète un plomb. Ludo aussi, il doit avoir un problème de Gilles Latourette. Ouais, il est là tout calme, et puis après, il commence à s'énerver. Allez, deuxième message, laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, apparemment, tu réponds pas, mais si tu veux plus de moi, je fais pas. Tant pis, tu sais pas ce que tu rates, je suis un gars bien, tant pis pour toi. De toute façon, je trouverai mieux ailleurs. Allez, salut, je t'appelle plus. Bah, il vaut peut-être mieux que t'appelles plus, effectivement. Ouais, surtout que c'est le mec quand même qui a appelé au moins une dizaine de fois sur le répondeur. Hein, bah oui, à un moment donné, il faut quand même comprendre, quoi. Ouais, en fait, tu sais pas ce que tu rates, je suis un gardien. Je comprends pas. Je suis un gardien de foot, tu vois, donc je suis musclé quand même, merde. Mais je comprends quand même, enfin, je comprends pas les mecs qui appellent comme ça 10 fois. Si t'appelles déjà une ou deux fois et que la fille te rappelle pas, pourquoi tu continues à rappeler ça, je comprends pas. Mais ça, après, les gens, peut-être qu'il a pas eu le message, peut-être qu'il a eu un problème, peut-être que son téléphone est tombé dans l'eau, enfin, tu vois, il y a tellement de possibilités, on sait jamais. Ouais. Allez, dernier message de la ligne anti-relou pour ce matin. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent et je voulais faire un petit message à Julie Lisefon. Je voulais lui dire qu'elle avait une jolie voix et que je suis tout amoureux de sa voix. Voilà, et que je ne sais pas comment ça se passe ce soir, ou ce que tu dis, enfin bon. Mais mon cœur est déjà pris, mais merci quand même. Écoute, c'est dommage parce que sinon j'avais tout prévu déjà pour quand il vient. Ah non. Ah oulala, peut-être musique romantique. Voilà, tu vois, elle sera là disponible pour toi. Oui, mais non, je ne le suis pas malheureusement. Cette belle petite musique de Chris Isaac. Oui, mais non, en fait, non. Ça aurait été beau, non? Oui, ça, oui. Une belle de nouveau, là, tu rêves, Mickaël, tu es en train de nouveau de... Ah, écoute, c'est dommage. Partir loin. Attends, j'y croyais, là. Bon, c'est pas grave. Mais attends. T'avais tout préparé. Mais oui, tout était prévu et regarde. Bah, désolé. Bah, ouais, mais c'est pas grave. Mais merci à Laurent pour son petit message. Bah, écoute, dans un instant, on va appeler les Wallons pour leur parler en flamand, voir s'ils vont répondre pour aider Toff. Gros dossier. Et à 7h52, on écoute Nero maintenant. Ça fait plaisir, ça. Promises. Oh, ça fait plaisir le son à l'instant de Nero avec Promises sur Fun Radio. Ah! Ça fait plaisir. Ça réveille. Ils sont bien forts et tout, c'était au top du top. Ceux qui dormaient encore, ça c'est fini. Et ben voilà, c'est plié comme ça. Bon, je vous rappelle que si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas, hein, 3044 par SMS, vous nous dites si vous avez un problème sur la route, vous voyez un bouchon avec un accident ou même un radar, 3044, ou alors gratuitement si vous avez un smartphone sur mikl@funradio.be. Et nous avons Mireille avec nous pour donner la réponse à la devinette qui colle. Salut Mireille. Bonjour Mickaël. Comment ça va Mireille? Oh bah écoute, c'est une journée qui commence bien, hein. Ah bah oui, le soleil se lève, t'as vu? Oui, mais c'est pas pour ça, hein, c'est juste ça, le fait d'être appelé, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, mais toi aussi tu es contente d'entendre ma belle voix dans le téléphone. Oh, calme-toi. Oui, ça doit être ça. Bon Mireille, tu as la réponse à la petite devinette qui colle. Je vais donc de la répéter au cas où les auditeurs viennent de débarquer, hein. On ne me voit pas, mais je suis toujours devant vous et uniquement devant vous. Et certaines personnes qui ont un certain âge l'ont, mais pour beaucoup moins longtemps. Ah oui, mais c'est l'avenir. Ah hein, oui, c'est la vie, bah, bien sûr, évidemment, oui, tout à fait. Alors, c'est quoi la réponse, Mireille? L'avenir. Eh ben, c'est l'avenir, exactement, oui, tout à fait. Puisque l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et la. J'ai oublié le slogan. Voilà. L'avenir est au contenu. L'avenir est au contenu, puisque c'est la pub qu'on a entendue tout à l'heure du journal de l'avenir. Voilà. Bon, bah, bravo, Mireille. Merci en tout cas. Mais je t'en prie. Croyez pas. Bah écoute, comme quoi tu vois, hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ok, merci. C'est sûr. C'était facile. Pardon? Non, rien, c'est non, Julie qui fait les blagues. De m'emmerder comme d'habitude. Je suis un homme battu ici. Oui, bah oui. Bon, salut à toi Mireille, gros bisous. Allez, ciao Mireille. Bon, allez, passons aux choses sérieuses maintenant avec Toff, qui appelle depuis tout à l'heure. Bah, hier, on a appelé des Flamands pour leur parler en français, pour leur dire que Toff avait perdu ses clés, voilà, pour voir s'ils allaient parler français. Et oui, ils ont parlé français. C'est ça, et s'ils étaient hospitaliers. Et s'ils étaient, exactement, oui. Bon, ça, ils l'étaient pas trop. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, maintenant, on appelle des francophones, des Wallons, pour leur parler en flamand, en tout cas, avec un. On entend que c'est un Flamand qui appelle, quoi, pour voir comment ils réagissent. Et nous allons à Bonaire. Ça va, ça, Bonaire? Bonaire. Oui, allons à Bonaire. Si tu veux, hein, ou tu veux. Oui, non, allons à Bonaire. Allez à Bonaire, alors c'est parti, on y va, on appelle immédiatement. On va voir s'il parle flamand, c'est pas gagné. Et après, j'aurai la question qui colle. Et nous sommes en retard. Comme d'habitude. Oh, pas comme d'habitude, on peut pas décider ça. Si les gens décrochaient plus vite. Oui. Ya, allô, madame? Oui. Oui, bonsoir, bonjour, en fait je sais plus trop dans le où on est dans le jour. Voilà, en fait j'appelle du toit parce que je suis coincé dehors dans mon chez-moi. Oui. Oui, et voilà, parce que je viens d'emménager dans la maison, dans la rue de toi. Et oui. Voilà, et je voudrais du savoir si c'est possible qu'en attendant le monsieur de la serrure, je viens chez toi pour pas être dans le froid dur. Ah non. Elle est partie. Ah oui, voilà. Très accueillant. On va le rappeler. Les gens ont peur. Hein. Oui, on va le rappeler. J'ai beaucoup aimé le... Oh non. Oh non. Allez, on rappelle. Après réflexion, non. Oui. Oui, excuse-moi, mais je pense que mon téléphone, il a dû couper. Ah. Oui. Donc, oui. Qui êtes-vous alors? Comment? Je suis Kuhn, madame. Et vous habitez où? Ben, j'habite un peu plus haut que dans la rue de toi. Et donc en fait voilà, c'est parce que voilà, j'ai dû faire une erreur avec mon clé et j'ai pas le bon. Ah mais moi je n'en ai pas, moi, mon mari est couché ici et c'est lui qui s'occupe de ça. Ah oui, mais parce que j'ai appelé une dépannage 24/24, mais il est pas disponible avant 3 heures. Alors, voilà, je pensais on pourrait peut-être faire un peu la connaissance de nous pendant ce temps-là. Non, monsieur, non, merci. Au revoir. Ah ben voilà, elle est encore partie, dis donc. Hein. Comme quoi, ils sont, le wallon est accueillant. Non, mais j'ai l'impression que j'appelle pour lui vendre des aspirateurs. Ouais, c'est ça, monsieur, ouais. Non, allez vous faire foutre, s'il vous plaît. Hein. Enfin bon, écoutez. Bon, restez bien là dans un instant, c'est l'info qui arrive sur Fun Radio. Et il y aura aussi les MFAO. Avec Champagne Shower sur Fun Radio. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. 8h01 sur Fun Radio, dans un instant, l'info arrive. J'ai la petite question qui colle également. Quel âge a la plus vieille barmaid du monde? On ne sait jamais, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est un barman en fait, hein, mais pour les filles quoi. Ça doit faire très peur. Quel âge a la plus vieille barmaid du monde? Si vous avez la réponse, 63, 22. On est, je vous donne un indice, on est à plus de 80. Ouais, et à mon avis, plus l'âge est comme ça élevé, plus elle te serre les verres bien corsés. Ouais, voilà, probablement, ouais. Donc voilà, mais largement plus 80. Donc, Comme la Parkinson, tu sais, elle en met voilà. Un peu sur le comptoir. C'est ça. Aussi, ouais. 63-22 si vous avez la bonne réponse. Et dans un instant, on paye vos factures aussi. 8h02, on est en retard. Ce sont les infos maintenant avec Julie. Salut à tous. Le FDF n'est pas content du tout avec l'accord conclu par les négociateurs sur BHV. Olivier Minguin, son président, a averti les libéraux du MR s'ils n'accédaient pas à ses demandes complémentaires concernant l'élargissement de Bruxelles en contrepartie de la scission de BHV. Eh bien, ce sera la fin du parcours commun entre le MR et le FDF. Le MR reste sur ses positions. Le divorce n'est plus très loin. Didier Bellens, le patron de Belgacom, sauf sa peau, il a finalement décidé de ne pas réintégrer sa conseillère principale Conchita Fagart. Il suit donc l'avis du conseil d'administration de l'entreprise. Michel Martin peut être bientôt dans un couvent aux Pays-Bas, selon la télé néerlandaise. Un couvent à Thorn serait prêt à accueillir l'ex-femme de Marc Dutroux. Elle avait déjà proposé de rejoindre un monastère en France en mai dernier, ce qui avait été catégoriquement refusé par le ministre de la Justice français. Michel Martin a déposé à la fin du mois d'août une nouvelle demande de libération conditionnelle au tribunal d'application des peines de Mons. Réponse le 22 septembre. Aux assises du Hainaut, dans le procès des empoisonneuses des collines, Jacqueline Dert est reconnue coupable de vol avec circonstances aggravantes de meurtre. Elle est condamnée à 25 ans de prison. Sa fille Isabelle écope d'une peine d'emprisonnement de 17 ans et Mélissa, la compagne d'Isabelle, de 12 ans. La plus vieille disparition en Belgique a été élucidée. Les analyses ADN ont permis d'identifier les restes humains découverts fin juin dans l'épave d'une voiture repêchée dans le canal Gand-Ostende. Il s'agit des restes d'une femme disparue il y a 30 ans, la plus vieille histoire de disparition du royaume. Les circonstances du décès restent pour l'heure inconnues. Plan d'aide à la Grèce. Depuis hier, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent en Pologne pour tenter de trouver des solutions à la crise de la dette. Cette réunion de 48 heures doit en principe permettre de surmonter les obstacles restants à la mise en œuvre du second plan d'aide à la Grèce d'un montant de 160 milliards d'euros est décidé le 21 juillet. Hier soir, ils n'avaient toujours pas trouvé d'accord. Et DSK s'exprimera sur TF1 dimanche. Selon le quotidien français Le Point, il sera l'invité de Claire Chazal aux 20h. Et c'est un moment très attendu puisque Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le 14 mai dernier, date à laquelle il était arrêté à New York, accusé de violences sexuelles sur une femme de chambre. Enfin, en sport, en Europa League, bonne performance pour les clubs belges. Match nul pour le Standard hier à Hanovre. Anderlecht a atomisé le club d'Athènes 4-1 et Bruges a battu 2-0 Maribor. On passe à la météo maintenant. Alors la météo, c'est ce matin, une matinée plutôt ensoleillée. Cet après-midi, les nuages seront de retour et puis ce soir, la pluie sera au rendez-vous. Température jusqu'à 21 degrés, c'est quand même la journée la journée de la semaine la plus douce. C'est déjà une bonne nouvelle. Ce week-end, eh bien, même topo, ensoleillé le matin et puis l'après-midi. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, nous serons en automne. Fun Radio. Fun Radio. 8h05 sur Fun Radio, je vous rappelle la petite question qui colle. Quel âge a la plus vieille barmaid du monde? On proposait 89 ans, c'est plus. J'avais dit que c'était beaucoup plus que 80, même largement plus, autant dire plus de 90. Largement plus également d'ailleurs aussi. Elle est presque centenaire quand même, mamie la Bermed, hein. Donc 63-22 si vous avez la bonne réponse. Et quelle est l'info en plus, Julie? Eh bien, bonne nouvelle pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Ceux qui se lèvent tôt sont plus heureux. Ah, bah très bien, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben voilà, apparemment les personnes qui se lèvent tôt sont plus heureuses et en meilleure santé. Une nouvelle étude affirme que les personnes qui sortent du lit à 6h58 en moyenne, eh bien elles travaillent mieux, sont moins déprimées, moins stressées et oui. Juste ceux qui se lèvent en moyenne vers 5h, 4h30, tu vois, ils sont heureux ou c'est au contraire, c'est un drame? Bah écoute, apparemment, oui, ceux qui se lèvent tôt sont heureux. Bon, l'étude, elle précise que c'est plus ou moins une moyenne de ceux qui se lèvent à 6h58. Mais j'imagine que ça englobe ceux qui se lèvent tôt en général. Pour eux, les lève-tards se lèvent à 8h54. C'est pas vraiment tard à mes yeux. Mais c'est très très tard, 8h. Mais bon, c'est grosse matinée. Moi, c'est presque la fin de ma journée. Impressionnant. Donc, ils précisent aussi, donc plus heureux, etc. Font plus, se bougent plus, quoi, plus les tâches quotidiennes, etc. Les corvées sont faites plus rapidement et alors ceux qui se lèvent plus tôt sont plus minces aussi. Ah ouais, d'accord. Oui, je le vois tous les matins, je me regarde, je me dis bon, quel corps svelte. Bon, bah très bien, donc levez-vous tôt, hein, voilà. Concrètement. Et dites-nous à quelle heure vous vous levez en moyenne, tiens, au 30-44 par SMS, c'est 50 centimes le message. Retour de l'info dans moins d'une demi-heure et puis une info trafic qui vient de tomber, c'est Olivier qui dit gros bouchon derrière la gare de Namur en raison de la déviation pour les fêtes de Wallonie. Exactement, le centre de Namur est piétonnier. Voilà, et Karim qui dit sur la E40 en direction de Liège, embouteillage depuis la sortie crinée jusqu'à l'échangeur de Longsaint et en plus la zone est à 70 km/h avec un flash, donc faites gaffe. Merci à toi Karim et merci aux autres d'envoyer vos messages aussi au 3044 ou sur michael@funradio.be. 8h07 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, dans un instant on vous rembourse cash vos factures. 63-22 pour vous inscrire. Débutez votre message par facture. On appelle juste après LMFAO Champagne Showers sur Fun. LMFAO sur Fun Radio avec Natalia Kills, Champagne Showers. Allez, c'est le moment de payer des factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Ça se passe tous les matins, trois fois par matinée sur Fun Radio, car nous n'avons peur de rien, nous n'avons pas peur de payer. Exactement. Donc nous avons décidé de faire ce jeu trois fois par matinée. On se dit que c'était mieux. Oui. C'était plus sympa de faire ça trois fois, ça donne plus de patates. Bah comme ça, si on rate une fois, on peut. Bah voilà, c'est ça, on n'est pas pété pour la semaine complète. On lâche jamais l'affaire. Exactement. On appelle des gens qui se sont inscrits au 63-22 en débutant le message par facture, en mettant le montant de la facture et l'objet de la facture. 63,28€ par exemple, 529€ pour le cadastre, Nikon Coolpix 250€, 168€ pour des lunettes plus les verres. On rembourse combien, Tof? On rembourse 46,61€. Très bien. Si ça décroche du moins. Tout à l'heure, ça n'a pas décroché. Donc du coup, on a remis le couvert, là. Allô? Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Sandrine. Très bien. Et tu sais qui t'appelle, Sandrine? Oui, je sais. Ah, Radio. C'est la police, madame. Eh ben bravo Sandrine. Je suis content, franchement, bon. Je pensais que je pouvais jamais vous allez m'appeler. Eh ben comme quoi, tu vois, 100% des gagnants ont participé. Oui, arrête avec ça. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Bon, dis donc, elle donne des ordres, je sais pas si t'as remarqué ça. Ouais, j'ai remarqué. T'as vu? Non, mais petit à petit, j'ai pris le contrôle de cette émission. Je sais pas si vous avez remarqué, les auditeurs. Au début, elle disait rien, t'es dans un coin, je vous ai pas parlé. Là, ah, on non, a moi, si tu veux, maintenant c'est devenu maman bientôt. Hein. Non, mais petit à petit, tu vois, sournoisement, comme ça, je prends le contrôle de l'émission. C'est ça, c'est ça. Bon, Sandrine, tu veux qu'on te rembourse sur les factures de 46€ débrouillées, c'est ça, Tof? 46,61€. 46,61€, c'est pour payer quoi? Brutélé. Ah oui, bah il faut. Renouvellement d'abonnement. Oui, enfin, Brutélé, ça n'existe plus depuis bien longtemps, mais enfin, c'est numéricable, je crois. C'est ça ou vous, je sais plus, un des deux. c'est vous, oui. Pas du tout, c'était les nettes. Non, enfin oui, vous avez bon, on a tous cité, oui, c'est normal, c'est l'équité. C'est l'équité, on est obligé. Bon, ben comme TV aussi, ça marche. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, tout le monde y est. Bon, et ben écoute, Sandrine, pas de problème. On te paye ta facture, tu restes au standard et puis on t'explique comment ça marche. D'accord ? Merci beaucoup. Salut à toi, gros bisous. Ciao, Sandrine, à bientôt. Au revoir. Et pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. 63-22, vous débutez votre message par facture. Si, comme Sandrine, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture tout à l'heure, 63-22, débutez par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. À 9h10, on remettra le couvert. C'est aussi simple que ça. 8h13 maintenant. Et restez bien là, puisque dans un instant, c'est Mika qui arrive. Mais sache que je me lève à 4h, je termine le boulot à 19h et je vais dormir à 23h. Je suis fatigué. Tu m'étonnes. Allez, restez là, il y a l'horoscope de Loulou qui débarque également dans 5 minutes. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Le son de Mika à l'instant sur Fun Radio avec Danse, c'est parti pour l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Ouais, bon, on se doute bien que vous êtes là, Doudou, oui. Là, en tout cas pas loin, 8h19. Voilà, je suis là. Alors, l'horoscope maintenant, Doudou, on va commencer par les béliers. D'accord. Alors, concentrez-vous plus sur les désirs de votre partenaire. Très bien, les taureaux. Pour réussir, il faut savoir s'organiser. Les gémeaux. Vos chances financières et professionnelles sont extrêmement bonnes aujourd'hui. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle. Les cancers, comme oui. Julie. Pour une fois, essayez de vivre plus calmement. Et oui, les lions. Agissez prudemment dans vos affaires d'argent, sinon vous risquez de le regretter. Très bien, les vierges. Ne pensez plus au travail aujourd'hui. C'est une journée sans... Sans travail. Non, sans fait particulier. Ah, d'accord. Les balances. Professionnellement et financièrement, vous traversez une bonne période. Alors, faut en profiter, ça va pas durer. Ah, ça, c'est clair. Les scorpions. Acceptez une invitation... Sortez et amusez-vous et ramenez-le ou là à la maison ce soir, ça va swinger. Les Sagittaires. Un ouragan n'est rien à côté en comparaison de vous. Alors dites-moi d'où vous puisez cette énergie parce que j'en ai besoin. Les Capricornes. Passe temps, buvez beaucoup, mais pas de l'alcool. Très bien, les Verseaux. Vous devriez trouver un bon équilibre entre activité et repos pour ne pas vider vos batteries trop vite. Et enfin, les Poissons. Tout va comme jus des roulettes, alors savouez. Très bien, il vaut mieux. Merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Bah de rien. Bah très bien. Et trafic info, insupportable circulation à Namur aujourd'hui, c'est max. Bah oui, à cause des fêtes de Wallonie, forcément, ça fout un peu le bordel à ce niveau-là. Et si vous êtes témoin d'un problème sur la route aussi, hein, que ce soit un radar, que ce soit un accident, des bouchons, peu importe, 3044, vous nous dites, ou gratuitement sur mikl@funradio.be. L'info va arriver dans un instant également, et la réponse également à la question qui colle. Quel âge a la plus vieille barmaid du monde? On est à plus de 90 ans, quasiment centenaire la barmaid. Hein. Si vous avez là aussi la bonne réponse, il y a des cadeaux pour vous. 63-22, bonne chance tout le monde. 8h21 sur Fun Radio, bon réveil. Jennifer Lopez maintenant avec Waiting for Tonight. Et juste après, on appelle quelqu'un en direct pour lui offrir les cadeaux David Guetta. Soit le téléphone portable Sony Ericsson Xperia, soit la possibilité d'aller directement à Liège pour une soirée VIP David Guetta. Le nouvel album de David Guetta et peut-être le tirage au sort pour aller direction Ibiza. 63-22, débutez votre message par Star. C'est votre dernière chance pour l'inscription. Après, le jeu est fini. Bonne chance tout le monde. Le son de Jennifer Lopez sur Fun Radio, 8h25, bon réveil tout le monde, c'est Fun Radio et Mickaël à la radio. C'est tous les matins jusqu'à 9h30 sur Fun. Nous allons maintenant faire la petite déclaration express. Et la déclaration express, c'est chaque matin sur Fun Radio avec Sébastien Loeb et avec normalement Jérôme qu'on a avec nous, c'est ça? Oui, normalement, mais malheureusement, Jérôme n'est pas là. Encore un qui n'a pas eu les corones, comme on dit. Oui. Dommage. Donc le concept, c'est simplement que bah voilà, un auditeur nous appelle pour nous demander une petite déclaration express pour déclarer sa flamme, peut-être, je ne sais pas, à son copain, sa copine, son futur copain, future copine, ou même une déclaration de rupture. Ça fait longtemps qu'on en a plus une. Ouais, c'est vrai. Tant mieux, je préfère les déclarations. Ouais, bah oui, bah, je vais faire une recherche d'une déclaration. Bah, très bien. Rupture. Donc du coup, on appelle directement la copine qui s'appelle comment alors? Sabrina. Bon, ben on y va. Tu vois. Génial. Encore une fois, c'est un répondeur. Un message après le signal. Je comprends pas les gens qui s'inscrivent et après ils décrochent pas. C'est ça. Inscrivez-vous. Bon, comment elle s'appelle, elle? Sabrina. Allô, Sabrina. C'est Mickaël, t'es en direct à la... Enfin, ton répondeur est en direct à la radio sur Fun. Et on t'appelait de la part de Jonathan qui voulait te faire une petite déclaration express. Je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas encore ensemble, mais une chose est sûre, quoi qu'il en soit, je pense qu'à un moment ou à un autre, il aimerait bien... T'as cassé les pattes arrière. Petite. Oh non, bah, l'expression préférée de Julie, il faut le savoir. C'est vrai, exact. C'est oui, elle qui me l'a apprise d'ailleurs. J'adore. Allez, on fait péter cette petite déclaration express pour toi maintenant. Écoute bien. C'est beau. Ah oui. Mmh, yeah. Yeah. Mmh. Mmh. Ça fait des années que l'on se connaît. Quand je t'ai rencontré, tu m'as pas regardé, tu me trouvais trop laid, comme de la patex. Je te collais aux fesses, ça te rappelait ton ex qui s'appelle Alex et qui t'achetait tout. Quand j'essaie t'appeler, tu sais pas décrocher. Ça m'a énervé, du coup j'ai jeté mon tel dans le WC. Maintenant je vais encore te demander de venir me retrouver dans ma BMW. Non, ça va aller, c'est bon, on a compris pour la fin. Hein. Il y a pas de problème. C'est bon, tout est clair, il y a pas de problème. Ah là là, je suis entouré d'hommes ici qui se marrent comme des malades. Ils sont morts de rire. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que cette déclaration express t'aura faite chez On n'est pas aidé. Hein. Je ne sais pas. C'était Tester en FM. Mais oui, en tout cas, n'hésite pas à nous tenir au courant. Je te fais des gros bisous et Jonathan, la prochaine fois. Et les colores de venir nous parler et d'affronter ta copine ou ta future copine, peut-être. La je ne sais pas. Future, on te le souhaite en bon, tout cas. Bon, en tout cas, si vous voulez vous aussi faire une petite déclaration express, n'hésitez pas maintenant à vous inscrire 3044, débutez votre message tout simplement par déclaration. Nous avons qui maintenant pour la question qui colle? Pas du tout, tu voulais Guetta. Ah bah ouais. Tu m'as dit Guetta. Non mais d'abord c'est la question qui colle normalement. Non tu m'as dit Guetta. Oui oui mais d'abord c'est la question qui colle. Mais c'est pas grave, on va faire David Guetta. Qui est avec nous pour David Guetta? David de 35 ans, de Bruxelles. Voilà. Ça tombe bien. Salut David. Ah. Non, mais non. Salut David. Je pense qu'on va faire la question qui colle, non? David. Non, on va pas faire la question qui colle. On va rappeler David. Ouais, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps. Bon, tu sais quoi, je mets la pause et puis on reviendra avec les infos juste après. Et restez là aussi, puisqu'il y a Luna qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. Ce sera Vamos a la Playa. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël, à la radio. Il est 8h30 sur Fun Radio, restez bien là dans un instant, la réponse à la question qui colle. On n'a toujours pas la question qui colle par contre, hein, ça c'est sûr que non. On a David Guetta. On a Anaïs pour jouer à Guetta. Bon ben, on prendra quelqu'un alors pour la question qui colle dans un instant en antenne, hein. Je vais vous donner la réponse, sinon on va jamais y arriver. C'est donc 97 ans, voilà c'est ça, c'est 97 ans la barmaid, la doyenne mondiale des barmaids, c'est Dolly Saville, 97 ans, de Wendover dans le comté de Buckingham au Royaume-Uni, qui continue à servir, 2 millions de pains servis en 71 ans de bons et loyaux services. Enfin, c'est ouf, mais ça appartient à elle en fait. Mal. Non, elle est dans un hôtel en fait, c'est dans un hôtel de luxe. Ah, de luxe ? Ouais, ils prennent des vieilles, ok, d'accord. Bah non, écoute, peut-être. Ça fait 200 ans qu'elle sert dans cet hôtel, c'est-à-dire qu'ils ont construit l'hôtel. C'est ça, voilà. Bon, ça dans un instant, on va jouer au jeu David Guetta et puis la petite devinette qui colle maintenant. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je ou que suis-je ? Petit indice, l'Irak. Ouais. Il est 8h32 sur Fun Radio. Ah oui, si vous avez la bonne réponse, 63-22 également, c'est 1€ par message pour gagner des écrans plats LED avec lecteur DVD incorporé. Allez, Julie, c'est à toi. Salut à tous. Le FDF n'est pas content du tout avec l'accord conclu par les négociateurs sur BHV. Olivier Minguin a averti les libéraux du MR s'ils n'accédaient pas à ses demandes complémentaires concernant l'élargissement de Bruxelles en contrepartie de la fameuse scission de BHV. Eh bien, ce sera la fin du parcours commun entre le MR et les FDF. Le divorce n'est donc plus très loin, car car le MR reste sur ses positions. Et Didier Bellens, le patron de Belgacom, sauf sa peau, il a finalement décidé de ne pas réintégrer sa conseillère principale Conchita Fagart. Il suit donc l'avis du conseil d'administration. Michel Martin peut être bientôt dans un couvent aux Pays-Bas, selon la télé néerlandaise. Un couvent à Thorn serait prêt à accueillir l'ex-femme de Marc Dutroux. Michel Martin avait déjà proposé de rejoindre un monastère en France en mai dernier, ce qui avait été refusé catégoriquement par le ministre de la Justice français. Michel Martin a déposé à la fin du mois d'août une nouvelle demande de libération conditionnelle au tribunal d'application des peines de Mons. Réponse fin de la semaine prochaine. Aux assises du Hainaut, dans le procès des empoisonneuses des collines, Jacqueline Dert est reconnue coupable de vol avec la circonstance aggravante de meurtre. La mère a donc été condamnée à 25 ans de prison. Sa fille Isabelle écope d'une peine d'emprisonnement de 17 ans. Et Mélissa, la compagne d'Isabelle, de 12 ans. Seule donc Jacqueline est la seule donc reconnue coupable de meurtre du couple de septuagénaires en mars 2009 à Fresnes-lès-en-Vin. La plus vieille disparition en Belgique a été élucidée. Les analyses ADN ont permis d'identifier les restes humains découverts fin juin dans l'épave d'une voiture repêchée dans le canal Gant-Ostende. Il s'agit des restes d'une femme disparue il y a 30 ans, la plus vieille histoire de disparition du royaume. Les circonstances du décès, par contre, restent encore inconnues. Plan d'aide à la Grèce. Depuis hier, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent en Pologne pour tenter de trouver des solutions à la crise de la dette. Cette réunion de 48 heures doit en principe permettre de surmonter les obstacles restants à la mise en œuvre du second plan d'aide à la Grèce d'un montant de 160 milliards d'euros décidé fin juillet. Hier soir, ils n'avaient toujours pas trouvé d'accord. DSK s'exprimera sur TF1 dimanche. Selon le quotidien français Le Point, il sera l'invité de Claire Chazal au 20h. C'est un moment très très attendu puisque DSK, donc Dominique Strauss-Kahn, ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le 14 mai dernier, date à laquelle il était arrêté à New York, accusé de violence sexuelle par une femme de chambre. Enfin, en sport, en Europa League, bonne performance pour les clubs belges. Match nul pour le Standard à Hanovre. Anderlecht a atomisé le club d'Athènes 4-1 et Bruges a battu 2-0 Maribor. 8h34 sur Fun Radio, maintenant la météo. Journée qui débute sous le soleil, les nuages vont arriver petit à petit cet après-midi et ce soir, la pluie sera au rendez-vous. Génial. Quelques endroits au pays. Température assez douce jusqu'à 21 degrés. Ce week-end, même topo, douce fin, soleil le matin et pluie l'après-midi. C'est déjà ça de pris, au moins c'est la moitié de la journée quand même. Hein. Oui, comme c'est déjà les pas gens mal. Qui se lèvent tôt pourront bien profiter du soleil. De quoi on se plaint. Mais finalement, c'est vrai au final quand même. 8h35. Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en plus maintenant sur Fun. Eh bien, c'est l'info en plus qui parle de pipi. Ah, super. Une application donc pour smartphone pour aller faire pipi chez des inconnus a été donc inventée. C'est pas toujours évident quand t'es par exemple tu te promènes dans la ville, surtout la nuit, le soir quand tu sors de soirée. Tu dois absolument faire pipi, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, les garçons vont contre un arbre, les filles vont derrière une voiture. Et bien maintenant c'est terminé. Vous pouvez aller vous soulager dans des endroits propres. L'application Clou, une combinaison du mot communauté et closet qui signifie bien sûr toilette en anglais. Eh bien, elle permet à ses utilisateurs de se soulager en toutes circonstances. Une liste d'hôtes sera proposée dans chaque ville. Il suffira donc d'aller sonner au lieu dit pour aller emprunter les toilettes. C'est sympa. Du sympathique particulier qui vous les prête. Bon, après, effectivement, il faut que le particulier se décide aussi à avoir l'application. Et s'inscrit en tout cas sur le. Donc, soit d'accord de recevoir la terre entière chez lui pour aller aux toilettes. La terre entière, tout de suite, je pense pas que ce soit disparu. Si le truc cartonne, on sait pas ce qui peut se passer. Hein, on sait pas. Et puis, c'est bien parce que ça fait une suite à j'irai dormir chez vous. Maintenant, ce sera j'irai pisser chez vous. Voilà, c'est ça. 8h36 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. C'est vendredi, dernier jour de la semaine, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis la petite devinette qui colle maintenant. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Certains proposaient la paix. Ah non, si, tout le monde la veut la paix. Et quand on l'a, effectivement, on ne veut pas la perdre, mais tout le monde la veut. On proposait aussi le pétrole, ça aussi tout le monde le veut. Et quand on l'a, on ne veut pas le perdre non plus. Alors un petit indice, j'ai dit Irak, ça peut être Irak, Afghanistan, à l'époque mondiale. Voilà. Voilà. Pas donner plus d'indices. Hein. Écran plat à gagner, LED avec lecteur DVD incorporé ou alors deux places pour aller au parc Astérix. C'est à gagner maintenant au 63-22, 1€ par message. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je ou que suis-je? Nickel à la radio, sur Fun Radio. 8h40 sur Fun Radio, c'était le son de Luna à l'instant avec Vamos a la Playa. Je vous rappelle la petite énigme qui colle pour repartir avec un écran plat LED et le lecteur DVD intégré ou alors de place pour aller au parc Astérix. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. J'ai donné un indice tout à l'heure, j'ai dit Irak, Afghanistan, première, seconde, mondial. Voilà, si vous avez la bonne réponse. C'est pas mal d'indices. Oui, c'était effectivement, c'est pas mal déjà. Si vous avez la bonne réponse, l'écran plat peut-être pour vous ou alors les places pour le parc Astérix. 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Vous laissez la réponse et on vous rappelle peut-être dans moins d'un quart d'heure. Dans un instant, c'est Man et Snoop qui vont débarquer. Et là, nous avons Anaïs, où il y a beaucoup de bruit derrière Anaïs. Salut Anaïs. Allô. Comment vas-tu Anaïs? Ça va bien. Bon, bah tant mieux, sois la bienvenue Anaïs. T'as quel âge? T'es dans quelle ville? 19 ans de Liège. 19 ans de Liège, c'est sur 99FM qu'on écoute Fun à Liège, comme ça tu le sais, et les autres aussi. Alors Anaïs, tu as beaucoup de bruit autour de toi, t'es où là? Ouais, je suis dans le bus là. Ah, t'es dans le bus, d'accord, ok. Bon alors Anaïs, on va faire vite, on va faire tourner la platine de Fun, et sache que tu risques de repartir d'office avec soit l'album de David Guetta, le nouveau Nothing But The Beat, soit le nouveau Sony Ericsson Xperia, c'est un smartphone, soit les entrées VIP pour la soirée Guetta le 30 septembre à Liège, avec la rencontre en tête à tête en plus de ça. Et ça tu gagnes, c'est un des trois cadeaux que tu vas gagner d'office. Et alors après il y aura peut-être le tirage au sort, ce sera vers 9h15, 9h20 pour repartir avec les deux billets pour aller direction Ibiza tout frais payé. Okay. Attention, on fait tourner la platine de Fun maintenant et on verra ce que tu gagnes. Attention, c'est parti. C'est son téléphone, ça. Exactement, tu vas pouvoir remplacer ton téléphone ça, pourri bon. Avec lequel tu es en train de nous appeler et qui a un son dégueulasse. Et on va t'offrir. Allô. Oui, allô. Ah, voilà. C'est bien ce que je te dis, tu viens de gagner un nouveau téléphone pour remplacer le tien qui est tout pourri. Hein, ouais. Tu repars avec mon Sony Ericsson Xperia David Guetta. Voilà. Ah bah ça fera plaisir, tiens, un nouveau téléphone. Vraiment, je t'offre ça de bon cœur. Je te fais des gros bisous, tu restes au standard, d'accord? Allez, oui, je dis reste au standard. Voilà, elle va rester au standard et puis peut-être qu'on l'appellera dans un instant aussi ou une des autres personnes qui ont joué avec nous cette semaine pour peut-être repartir avec le voyage direction Ibiza. Ça fait plaisir. Ah oui. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut aller se mettre dans la valise et partir aussi? Si t'arrives à rentrer dedans, pourquoi pas, hein, bah oui, bien, pas sûr, bien sûr, je rentre dedans. Mais oui, bien sûr. Mais oui, son corps svelte. Bon, 8h42 sur Fun Radio, c'est Man et Snoop Dogg qu'on va écouter dans un instant avec The Mac. Et puis on fera aussi un petit tour du côté de la ligne anti-relou et on fera un tour du côté de l'infotrafic à 8h43 sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Marc Morandini. Je suis super heureux d'être en Belgique. Mais pourquoi fallait-il que j'aille voir aussi Mickaël à la radio? Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 8h48 sur Fun Radio, c'est parti maintenant pour l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Alors, pas grand-chose à vous signaler. Bon, apparemment, enfin évidemment, les bouchons sur les grands axes pour rejoindre la capitale, comme tous les jours, comme rien les de jours, surprenant. Ouais. Et puis sinon, beaucoup d'auditeurs nous signalent aussi, et c'est vrai, que Namur est à éviter si possible aujourd'hui et ce week-end, parce que ce sont les fêtes de Wallonie, donc le centre de Namur est fermé, et il y a beaucoup de déviations autour. Donc essayez bordel, de ouais. ne pas passer par là, sauf si, voilà. Sauf si c'est obligatoire. Et puis, il y a une bonne chance, si c'est obligatoire. Il y a Jonathan qui m'a envoyé un mail aussi sur mickaël@funradio.be. Il y a accident méchant, voiture sur le toit, sur la N5, direction Gosselies. Merci à toi, Jonathan, et vous aussi, si vous êtes témoin d'un problème sur la route. N'hésitez pas à nous faire un petit mail aussi, c'est gratuit. mickaël@funradio.be si vous avez un smartphone. Et puis sinon, bah, vous me faites un petit SMS. Au 3044, c'est 50 centimes le message. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, c'est le rêve de toutes ces femmes, toutes les filles qui sont en Belgique, un monde sans relou, sans des gens qui viennent constamment leur prendre la tête pour leur dire bah, tu t'es belle toi, oh, tiens, tu payes un verre ou quoi là, tu vois. Surtout ceux que tu vois qui disent mademoiselle, vous êtes bien bien jolie, mademoiselle. Et puis tu sais, tu dis merci, c'est bon, je vais avoir ton numéro. Non, vas-y, sans l'eau. Sans t'es qu'une moche. Voilà, merci, c'est gentil. Ça arrive ça. Ils sont nombreux ceux-là. Et bien, c'est à ça que sert ce numéro, la ligne anti-relou à retenir par cœur, les filles, le numéro 0473 86 0013. Écoutez le premier message de ce matin. Ouais, Lorenzo, ici c'est Vicenzo. C'était dernier rendez-vous près trop de fois c'est Vicenzo. Mais t'es jamais venu et là je suis en train de me faire chier, mais si tu pourrais te dépêcher, ouais, parce que ça me fait complètement chier. D'ailleurs, je crois que je vais me casser et que tu vas aller te faire foutre. Hein, ça va, et ton modem, tu pourras te le mettre où je pense. Hein, ça va. Allez, salut, salut. Il a l'air charmant en plus. Hein. Ça, c'est sympa. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que le mec, il est là. Oh, mais oui, mais si tu pouvais te dépêcher, ouais, parce que cool, je m'ennuie. Au début, ouais. Oh, bah, tu sais quoi, bah, tu viens refoutre. Hein, ton voilà. Mec, tu peux le mettre où je pense. Plus il parle, plus il se rend compte que c'est con d'attendre depuis une heure. Bah, là, voilà. Donc il se dit, bon, bah, peut-être. Ouais. Surtout qu'il a pris la bonne décision, puisqu'il était quand même sur la ligne anti-relou. Donc, ouais, bon. C'est bien. C'est allez, bien. Deuxième message. Écoutez, lui, c'est quelqu'un qui a décidé, il y a déjà 2-3 jours, de ne plus jamais appeler. Ouais, tout, Fabrice. Bah, voilà. Apparemment, tu réponds pas. Mais c'est que tu veux plus de moi, je fais pas. Bah tant pis, bah, tu sais pas ce que tu rates, je suis un gars bien, tant pis pour toi. De toute façon, je trouverai mieux ailleurs. Allez, salut, je t'appelle plus. Je t'appelle plus, mais ça fait 15 fois qu'il dit que je t'appelle plus, mais il ouais, appelle mais là, quand même. La 15e fois, il a compris, il appelle plus. C'est ça. Ne nous c'est avançons normal, pas. Normal, c'est ça. Ne nous avançons pas. On n'est pas à l'abri que ce ne soit pas encore vraiment le cas. Hein, qu'il appelle encore une fois. Tu sais, on ne sait jamais avec ce genre de personne. On ne sait jamais. Mm-hmm. Bon, alors attention, c'est parti. On écoute maintenant le dernier. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent et je voulais faire un petit message à Julie Lisefot. Je voulais lui dire qu'elle avait une jolie voix et que je suis tout amoureux de sa voix. Et voilà, et que je ne sais pas comment ça se passe pour toi, ou c'est possible, enfin bon. Merci. Oh, mais c'est toi, beau, Laurent. Mais c'est beau. Laurent, c'est... je te fais plein de gros bisous. C'est peut-être amour naissant, cet amour naissant. Non, mon cœur est déjà pris, mais je te fais quand même plein de bisous, Laurent. Oh. C'est trop mignon. Ton cœur est déjà pris, mais ton cul. Oh, Toff. Quand même. Tu demanderas ça à mon chéri, hein, on verra ce qu'il te répond. Sur cette belle musique en plus, là, regarde, cette musique romantique que j'avais préparée et tout. Bah ouais, t'avais tout prévu. Sur un petit slow que tu aurais pu faire avec cette personne. Bah ouais. Oh, ça aurait pu être beau, mais non, malheureusement, tu as tout cassé. Mais on fait c'est un slow par téléphone comme ça, voilà. Ah, donc elle est pas fermée, hein. Mais tu as vu. Ok. Puis on parlera à mon mec, on verra sa réponse. Oh, bah il vient de la prendre maintenant, hein, y a pas de problème. Oh, bon, allez, Mal et Snoop Dogg maintenant avec The Max sur Fun Radio. Et puis juste après, on essaiera encore une fois avec Toff d'appeler. En Wallonie pour essayer de voir, pour se faire passer pour des Flamands et donc essayer de et voir si... s'ils aiment les Flamands. Et voir s'ils aiment les Flamands, effectivement. Et puis on rappellera aussi, bah, on peut le faire maintenant, la rappel de la petite énigme qui colle. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Beaucoup de gens vont proposer la victoire. Oui, non, ça tout le monde la veut, hein, ça c'est clair. Le Koweït, non, on cherche pas un pays, on cherche un acte complètement idiot que l'homme a inventé et fier de l'avoir inventé d'ailleurs. Hein, est toujours prêt à ne pas le faire, mais au final le fait quand même toujours, malgré tout, quoi qu'il arrive. Voilà, je donnais des indices, hein, première et deuxième par exemple, première et seconde tout simplement. Et puis mondial. Allez, bonne chance tout le monde. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Yeah, yeah, fresh. Mal avec 50 sur Fun Radio, c'était The Mac. Juste pour rassurer un auditeur, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'inquiètent, j'ai gagné mon cadeau il y a je sais pas combien de temps, je n'ai pas encore reçu. Alors je me pose la question, arnaque ou pas? Non, ce n'est pas une arnaque, tu vas recevoir ton cadeau. Calmez-vous, restez calme. Mais je pense que le champion du monde, il m'a envoyé un mail hier, il m'a dit... Donc hier il m'envoie un mail en me disant j'ai gagné hier, je n'ai pas encore reçu mon cadeau. Non mais voilà, il y a des moments où les cadeaux on les a pas tous en stock à la radio. Donc parfois c'est les fournisseurs qui traînent un petit peu, parfois c'est nous. Voilà, mais si tu as gagné, tu auras ton cadeau, ne t'inquiète pas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, rassure-toi. Bon, nous allons prendre quelqu'un maintenant pour la réponse à la devinette. La devinette express. Mais oui c'est nouveau, c'est oui, nouveau. Oui c'est nouveau, c'est la devinette qui colle. Bonjour, qui est là? Adelin, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles, tu dis? Adelin, très bien. C'est comme le génie. Oui, mais c'est Adelin qui n'est pas génie. Pas tout à fait, c'est Aladdin. C'est Aladdin en plus, c'est ça. En plus, je suis con, moi je dis tout à fait. C'est pas lui qui a le génie, je crois que c'est. Il frotte la lampe. Et là, sort le génie. Et là, le génie est sorti. Pas bon, voilà, on t'expliquera plus tard. Bon, alors, Adelin. Moi je regarde pas les Disney. Tu as la bonne réponse à la question qui colle. La devinette qui colle, pardon. Personne ne me veut, mais quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. C'est la guerre. Mais oui, c'est la guerre, évidemment que c'est la guerre. La bonne réponse pour toi, Adelin. Bravo à toi. Tu repars donc avec soit l'écran plat avec le lecteur DVD incorporé, soit avec deux places pour Astérix. Tu vas gérer ça au standard, ok? Ok, merci beaucoup. Salut Adelin, à bientôt et passe une bonne journée. Ciao. Ciao. Et nous allons maintenant téléphoner de nouveau en Belgique, évidemment, en Wallonie pour être précis. Bah oui. Pour allez, une fois. Je veux voir si mon nouveau ami de le BHV, ils aiment de moi. Mais oui, mais tout à fait, c'est ça. Donc on appelle des Wallons pour voir si un Flamand pourrait éventuellement se faire héberger quelques minutes. Et on va à Barchon. Bah oui. Allez, Barchon, c'est parti. Barchon. Non, ça va aller. Pardon. Allez, on y va, on appelle, hein, parce qu'on n'est pas en avance. Ça, c'est encore une fois la faute de Julie. Toujours, là. On est bien en retard, même. Hein. On fera les infos à 9h10.

travail le 3 septembre. La victime a été retrouvée morte non loin de son domicile. Selon la police, les circonstances ne sont pas suspectes. Une enquête est en cours. Plan d'aide à la Grèce. Depuis hier, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent en Pologne pour tenter de trouver des solutions à la crise de la dette. Cette réunion de 48 heures doit en principe permettre de surmonter les obstacles restants à la mise en œuvre du second plan d'aide à la Grèce d'un montant de 160 milliards d'euros décidé fin juillet. Hier soir, ils n'avaient toujours pas trouvé d'accord. Et DSK s'exprimera sur TF1 dimanche. Selon le quotidien français Le Point, il sera l'invité de Claire Chazal aux 20h. C'est un moment très attendu puisque Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le 14 mai dernier, date à laquelle il était arrêté à New York, accusé de violence sexuelle par une femme de chambre. Enfin, en sport, en Europa League. Bonne performance pour les clubs belges. Match nul pour le Standard hier à Hanovre. Anderlecht a atomisé le club d'Athènes 4-1 et Bruges a battu Maribor 2-0. Très bien, et c'est quoi les prochains foot là? C'est ce week-end, mais il n'y a plus rien avant 15 jours pour l'Europa League, si mes souvenirs sont bons. Oui. Comme ça, vous êtes tenus au jus. 9h05 sur Fun, c'est la météo maintenant. Matinée ensoleillée, après-midi avec déjà un petit peu plus de nuages et durant la soirée, la pluie sera déjà de retour. Température assez douce, jusqu'à 21 degrés. Ce week-end, la pluie est également de la partie. Très bonne nouvelle, et l'info en plus, c'est dans 5 minutes. Fun Radio. Dans 30 secondes. 9h06 sur Fun Radio, il y a un petit message qui vient d'arriver. Michael, Julie et Truc, vous êtes de la pêche. Oui, je suis Truc et ça me fait plaisir. Voilà, c'est Fab qui a envoyé le message. Et Truc. Appelez-moi chose désormais. Pour aller l'info en plus, Julie. Alors, bonne nouvelle pour nous et tous ceux qui entendent le réveil plutôt tôt le matin. Ceux qui se lèvent tôt sont plus heureux. Paraît-il. Ça les reste personnes quand même, qui se lèvent tôt sont apparemment plus heureuses et en meilleure santé. Une nouvelle étude affirme que les personnes qui sortent du lit en moyenne vers 6h58, c'est très précis, elles travaillent mieux, elles sont moins déprimées, sont moins stressées et ont la ligne plus fine. Ah bon, 6h58, ça va être juste quand même pour arriver à l'heure à la radio. Oui, non, bah ouais, bah, en c'est déjà une moyenne. Donc en fait, l'étude conclut que ceux qui se lèvent tôt sont plus heureux, mais la moyenne est 6h58. Mais nous, on se lève bien avant. Bien évidemment. Dans le donc on est plus heureux. Donc ouais, on est plus heureux. On est plus mince, effectivement. Pas pour Mickaël qui a 8 kilos à perdre, mais c'est ça, ouais. Nous, on est plus mince. Et alors, apparemment, on fait les corvées plus rapidement et ce genre de choses. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, donc, moralité, levez-vous tôt. Voilà, alors voilà. Je veux juste préciser que pour eux, en moyenne, les lève-tards sortent du lit à 8h54. Ah ouais, donc ça va, belle grâce à quoi. Hein. Ça va pour les lève-tards. Ah ouais, c'est ça quoi. Bon, 9h07 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. C'est la dernière fois pour ce matin et pour cette semaine qu'on va vous rembourser votre facture. Donc 63-22, vous débutez le message par facture. Avec le montant de la facture et l'objet de la facture, c'est 1€ par message. Et dans 3 minutes pile, on vous appelle peut-être vous qui êtes derrière la radio et qui vous êtes inscrit pour vous rembourser cash votre facture. Et dans moins de 20 minutes, on appellera aussi le ou la gagnante pour aller direction Ibiza. Pas mal quand même. Fait plaisir. Peter Lutz, on va écouter ça maintenant sur Fun Radio à 9h08. Bonne matinée tout le monde. 9h10, 9h11 même sur Fun Radio. On va payer vos factures. Allez. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et oui, ça se passe chaque matin, 7h10, 8h10, 9h10. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 63-22. Et on va rembourser combien ce matin, Tof? 57,19€. 57,19€. Tout à l'heure, on a remboursé 60 et des poussières, si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Non, 46,61. Ah voilà, 46,61. Très précis. Oui, tout à fait. Bah, il a les chiffres sous les yeux, ce qui n'est pas mon cas, forcément. Très bien son travail pour lui. Allez, on appelle quelqu'un maintenant pour rembourser cette cinquantaine d'euros. Là, il y a la plaque qui sont arrivés, là. 150€ pour la taxe communale, 99€ pour Belga. Comme 73€, 25€ pour une amende, un écran plat 429€, alors qu'on en offre tous les matins, c'est quand même con. 130€ pour Electrabel, c'est Greg. Pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer l'appel, raccrochez ou appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. C'est ce que je vous dise. Bonjour. Tu veux quoi, un do ou un ré? Non, ça va aller. Bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. On t'appelait pour te rembourser ta facture. Tu t'étais inscrit, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire et ne pas écouter si on les appelle. C'est dingue quand même. On leur demande pas d'écouter la radio, en plus juste de décrocher. C'est ça, de dire allô. Ouais, c'est ça, mais c'est dommage. Bon, bah tant pis, on remboursera pas ta facture du coup. À bientôt sur Fun Radio et bah les autres, hein, 6322, débuté par facture. On remet le couvert lundi, vous avez tout le week-end pour vous inscrire et puis on piochera dans les inscriptions du week-end pour lundi matin à partir de 6h du mat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, dans un petit instant, nous allons savoir qui va partir à Ibiza. Mais ça, oui, ça fait plaisir. Mais oui, on aura Doudou aussi dans un instant avec l'horoscope. Et puis on essaiera d'appeler Monsieur Moon aussi puisque c'est son anniversaire. Monsieur Moon qui fait la tribu avec Evan tous les soirs entre 17h et 20h. On aura des nouvelles dans quelques instants. Et côté musique, eh ben justement, David Guetta va arriver dans un instant. Little Bad Girl sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Le son David Guetta sur Fun Radio dans un instant. Le tirage sort pour savoir qui d'entre vous partira direction Ibiza. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Mais avant ça, justement, on va parler des éventuelles bonnes nouvelles maintenant à 9h18 avec Doudou pour la dernière fois de la semaine. Doudou, ça va toujours? Oh là là, il est temps que ça s'arrête. J'en peux plus. Ouais, mais vous fatiguez tout le monde parce qu'à chaque fois que vous parlez, en fait, vous avez toujours l'air de trop bord du suicide. Bah oui, mais vous vous rendez pas compte, vous? Bah si, alors, si, je me lève à la même heure. Bah oui, 9h18. Bah ça va, 9h18, Doudou. C'est ça, hein. Beaucoup, tu vois. Mais non. Avant 14h, la journée, elle n'est pas commande. Mais si, mais si. Bon, les béliers, Doudou. Alors, concentrez-vous plus sur les désirs de votre partenaire. Les taureaux. Pour réussir, il faut savoir s'organiser. Les gémeaux. Vos chances financières et professionnelles sont extrêmement bonnes aujourd'hui. Bah, tant mieux. Les cancers. Pour une fois, essayez de vivre plus calmement. Les lions. Agissez prudemment dans vos affaires d'argent, sinon vous risquez de subir les conséquences. Les vierges. Ne pensez plus au travail. Aujourd'hui, c'est une journée sans... Alors, sans fait particulier. Ah, les balances. Professionnellement et financièrement, vous traversez une bonne période. Les scorpions. Acceptez une invitation, sortez et amusez-vous. Et vous, le ou la ramènerez à la maison ce soir. Et on sent que vous avez du mal, hein. Pour la ramener à la maison, oui, j'ai toujours du mal. Ouais. Les sagittaires. Chez elle. Les sagittaires. Un ouragan n'est rien en comparaison avec vous. Alors, d'où puisez-vous toute cette énergie que je n'ai pas? Les capricornes. Par ce temps, buvez beaucoup, mais pas de l'alcool. Les Verseaux. Vous devriez trouver un bon équilibre entre activité et repos pour ne pas vous vider vos batteries tout de suite. Bon, et puis les poissons pour terminer? Tout va comme sur des roulettes et vous le savourez aujourd'hui. Eh ben, la bonne nouvelle, ça très va bien. Ça va être un bon week-end pour vous. Mais oui. Bon, Doudou, à lundi. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr, vous inquiétez pas. Je peux pas prendre une petite semaine? Non, non, vous allez prendre un bon week-end, ça ira très bien, vous allez voir, ça va être parfait. Allez, à lundi, Doudou, bon oui, week-end. À lundi. 9h19 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde et bonne matinée. Dans quelques instants, nous appellerons le ou la gagnante qui ira direction Ibiza. Tout frais payé. Ça, ça fait plaisir. Le son de Deep Side DJs à l'instant sur Fun Radio, Never Be Alone. 9h23, bienvenue si vous débarquez. Pourquoi il y a tout qui marche dans tous les sens ici, donc bienvenue si vous débarquez. Nous allons maintenant parler, bah oui, devinez qui est de retour, hein. Yepa. Eh oui, Yepa, ce sont nos amis ch'tis, bien évidemment. Je ne m'en lasse pas d'ailleurs. Plus le temps passe, plus je suis impatient que Plug commence enfin à diffuser cette série rapidement, tiens. Ah, on l'attend avec impatience. Ah oui. Je oui. veux mettre un visage sous toutes ces voix. Non, ne vous emballez pas. Après, il y en a plein, ils vont s'identifier, ils vont se dire, ah, moi je veux être comme lui. Non, ça c'est pas possible. Alors, ils sont tellement loin, les ch'tis Ibiza, si tu veux. Bon, et j'en ai encore une belle d'ailleurs, une belle preuve. Alors, Julie, pour te faire un tatouage, toi, t'irais où? Chez un tatoueur. Chez un tatoueur, oui. Et bah, pas forcément Jordan. On était dans Ibiza Centre, et là, bah, voilà, on tombe vraiment sur. Dans un magasin de tatoueurs. Dans un magasin de tatoueurs. Mais oui, parce en que. En fait, c'est un magasin qui vend des tatoueurs. Mais oui, c'est ça. Tu vas chez le magasin, enfin tu vas dans le magasin de tatoueurs et là tu dis ah bah je vais vous prendre ces 4 tatoueurs là. Voilà, c'est ça. Vous si allez en a mettre un peu plus, c'est pas grave. Vous pouvez me le mettre avec. Vous mettez quelques grammes en grave, c'est pas grave. Et donc Jordan, lui, c'est un vrai champion du monde. Écoutez bien, car même les choses les plus basiques, il n'y arrive pas. Bah, j'avais déjà fait des cartes postales, mais bon, c'était il y a longtemps. Quoi, mais je ne me rappelle même plus comment il fallait faire une carte postale. Je sais même pas s'il fallait pas la mettre dans une enveloppe ou quoi avec la terre. Eh oui, voilà. C'est voilà. Oui. Mais non, mais voilà, ça... voilà. Ah oui. Ah, ah non, non, attends, voilà. Il savait même pas s'il devait écrire sur le truc avec la photo. Non, et en plus il l'a envoyé comme ça, il l'a mis dans la boîte, il s'est dit oh ça va arriver. Bah oui, mais c'est tellement plus simple d'envoyer un MMS ou un mail. Bah oui. Oui, enfin, une carte postale, faut vraiment être teubé pour pas savoir qu'il faut mettre, tu vois, un petit mot et coller un timbre. Mais oui, mais la principale qualité de nos ch'tis, j'allais dire notre, mais non, c'est nos ch'tis, c'est le bon usage de la langue française. Et va chercher l'erreur. En fait, tu m'as montré une fois comment ça marche leur logiciel, et après ça a été comme sur du beurre, en fait, c'est hyper simple. Ah oui, il m'a montré comment ça marche leur logiciel, et après ça a été comme sur du beurre. Ah oui, les ch'tis à Ibiza, c'est une émission dans les roulettes. Et oui, c'est une émission tout à fait ça, c'est dans les roulettes. Tu as tout dit, c'est effectivement ça. Bon, allez, nos ch'tis à Ibiza reviennent, bien évidemment, peut-être lundi, on verra bien, hein, si on a encore du matériel pour. Oh, mon avis, il y aura de quoi faire. Hein. Mais je ne sais pas, écoute, on ne sait jamais, on ne peut jamais savoir à l'avance avec les ch'tis à Ibiza. Bon, alors, attention, avant d'appeler le ou les gagnantes pour Ibiza, justement, hein, on va appeler Monsieur Moon pour lui souhaiter bon anniversaire. Ah bah oui, c'est l'anniversaire de Monsieur Moon, alors on va lui souhaiter bon anniversaire. Oh, on aurait dû l'appeler à 6h du mat, ça aurait été. C'est vrai, mais ouais, je sais, ouais, mais bon. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'anniversaire de Monsieur Moon qui fait la tribu avec Evan, c'est tous les soirs entre 17h et 20h. Ah, c'est parti. Oh, genre. Oh bah alors. Genre, il est buzzé. Non, c'est moi. Ah, c'est genre, on est nombreux à lui souhaiter bon anniversaire. Mais ça n'existe plus, ça, on sait plus faire ça, on tombe directement sur la messagerie, on n'a pas ce bruit-là. Ouais, c'est vrai, en général. Ça dépend, parce que peut-être qu'on appelle sur la ligne fixe. Ah. Non, on appelle. Ça ne se fait plus non plus, ça, Mickaël. C'est vrai. Allez, on appelle Monsieur Moon. Déjà, ça sonne. Voilà. Voilà. Allô. Ah, Monsieur Moon. Oui. Bon anniversaire, Monsieur Moon. Bon anniversaire, Monsieur Moon. Attends, j'ai la musique de l'anniversaire, attends. Ah, non, pas du tout, c'est Nirvana. Pourquoi ça marche? Je suis pour moins que ça, il est 9h25. Hein. Ah, t'as vu un peu, hein. Il est 9h25. Et encore, attends. Juliette voulait ta place 6h. Ah oui, ouais. Non, moi ça aurait été 6h direct. Ah, ça va, t'as vu un peu. Hein. Bon, écoute, c'est la petite musique pour toi. C'est Julie qui l'a faite ce matin. Merci, non, mais c'est pas moi, hein, tu penses bien. Elle est cool, Julie. Mickaël est complètement fan de son petit truc, là. Elle est top du top, cette Julie, quand même. Eh oui. Ok. Et sinon, en parlant de choses sérieuses, c'est quoi le cadeau? Il y a une prime sur salaire ou comment ça se passe? Le cadeau. Tu échanges ton salaire avec celui de Mickaël. Ouais, non, tu échanges ton salaire avec le mien. Ouais, voilà, c'est ça, avec ça, celui de Julie. C'est une bonne idée, ça. Hein, comme ça, vous ferez un échange. Ça, c'est une excellente idée. Dans le vide, en fait, tout simplement. Bon, monsieur Moon, bon anniversaire, hein. Merci beaucoup, hein, bonne journée à vous. Allez, bonne année. Et oublie pas le champagne qu'on fait ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ça marche, bon, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Bon, 9h27 sur Fun Radio. Et pour terminer, avant d'accueillir Lucas pour le self, nous allons appeler maintenant le ou la gagnante pour. Oula, ça sonne de travers chez Monsieur Moon. Nous allons appeler le ou la gagnante qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 avec le code STAR qui a joué avec nous cette semaine pour repartir peut-être direction Ibiza avec l'entrée au Pacha. L'hôtel 3 étoiles, le petit-déj, les billets d'avion, bien entendu. Peut-être même la rencontre avec David Guetta, on ne sait pas, on va voir. Mais oui, je ne sais pas, c'est dommage. Bon, allez. Déjà, ça sonne. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Oui, c'est un bon début, effectivement. Bon, allez, mais là, il faut que ça décroche. Il est en cours et ça ne va pas décrocher. Oui, non, mais non. Non, en cours, non, bah non. Ah non, mais il faut que ça décroche. Ah oui. Oui, mais il y a des gens. Tu y peux y a pas des passer à côté d'Ibiza. Oh, c'est dommage. Comme c'est triste. Bon, on va lui laisser un petit message dans un petit instant. Le temps de laisser passer le numéro de téléphone. Un message d'amour. Oui, attends. Votre message après voilà. Le signal sonore. Je vais laisser le message terminer, après le signal. Il suffit de raccrocher. Au revoir. Ce qui m'énerve avec elle, c'est qu'elle me prend chaque fois pour un idiot, tu vois. Elle me dit oui, il faut lui laisser un message. Bonjour. On t'appelait pour t'envoyer direction Ibiza et malheureusement, tu n'iras que voir les ch'tis à Ibiza, je pense, hein, à la télé, malheureusement. Ah bah, c'est vraiment con, hein. Ouais. Ah, non, c'est vraiment con. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle quelqu'un. Parce que regarde. Je l'aurais appelé, j'aurais fait allô, je peux comment s'appelle Gertrude, regarde, écoute. Eh oui, et là l'avion s'écrase et c'est dommage, ah, malheureusement, ouais. Puisque tu n'y vas pas et c'est quand même bien malheureux. C'est malheureux. Bon, c'est alors dramatique. J'ai deux possibilités. Soit je rappelle quelqu'un d'autre maintenant. Non, j'ai trois possibilités. Que j'ai pas de numéro. Soit je rappelle quelqu'un d'autre maintenant. Ouais. Soit je pars moi-même. Non, déjà moi, non. Je suis parti dans voilà. Cette situation. Ah, on va aller avec Fab qui fait les jingles. D'ailleurs, il ferait mieux d'aller faire des jingles plutôt que d'être là. J'en ai pour toi. Ah, bah tant mieux. soit on continue le jeu jusque lundi. Moi je propose de laisser encore une. Ouais. Ça veut dire qu'on a tout le week-end encore pour jouer et que lundi bah, on plie l'affaire et lundi laissons encore une chance aux autres. Ouais, allez, laissons une chance. Tout ça parce que Julie elle a envie de jouer, tu vois. Elle a envie de jouer. Ah, mais je vais partir à Ibiza gratuitement. Ah non, allez, on est amoureux. Tu viens de me griller. Ah oui, ah oui, ah ben oui, je voudrais faire ça, tellement ça. Ah oui. Bon, allez, on remet ça. Vous allez vous voir encore jouer donc toute la journée et tout ce week-end. Et lundi matin, on appelle le ou la gagnant donc pour aller direction Ibiza. On fait comme ça, ça me paraît un bon deal. Bah, c'est pas mal, ouais. Ça me paraît honnête. Passez un bon week-end, tout le monde, en tout cas. Dans un instant, c'est Lucas avec le self. Vous allez pouvoir choisir vos sons avec lui, comme d'habitude, jusqu'à 13h. Jasmine débarquera juste après. Et à partir de 17h, évidemment, la tribu avec Evan, comme chaque soir. Hein. La tribu avec Evan, avec Monsieur Moon, avec toute la clique. Et puis ce soir, ils seront également à l'avenue à Bruxelles. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bon, passez une bonne nuit. Mais oui, moi je vais dormir. Hein. Je vais aller rêver de Pamela Anderson. Ah ouais, Pamela le garçon. Oui, voilà, c'est Pamela le garçon. Parce que toi, t'as été une soirée hier où il y avait Pamela Anderson, mais il pourrait jurer que ce n'était pas Pamela Anderson. Non, on m'a dit qu'il y avait Pamela Anderson, mais moi je n'y crois pas. Voilà, c'est ça. Elle était bizarre, on va dire. Elle avait une voix grave. Enfin bon. Bonjour, c'est Pamela Anderson. Oh oui, exactement. Oh. Oui. Allez, passez une bonne journée tout le monde. Et rencard lundi dès 6h. Ciao et bon week-end. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.